Bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, vous m'avez vu passer devant la caméra, mais pas longtemps, hein. Il est 16h30 à Paris. Ça doit être aux environs de 10h au Canada, si je me plante pas, hein, parce que moi, les décalages horaires, hein, faut pas trop m'en dire. Donc il est 16h30 en suivant les étoiles. C'est un horaire un peu exceptionnel, mais je devine que l'invité que vous allez découvrir est aussi exceptionnel. On n'a pratiquement pas échangé ensemble, mais c'est comme ça que j'aime les émissions en direct, moi. En suivant les étoiles, c'est jusqu'à 19h, 18h30, 19h15. Non, ce sera 19h, Vincent Hamin a un train à prendre. Et vous savez que les trains partent toujours à l'heure, mais n'arrivent jamais à l'heure. En suivant les étoiles, Vincent Hamin est mon invité en direct sur la Web TV Étoile du Cœur. Générique. Je meurs un beau soir d'hiver, on dira que c'est d'un cancer ou bien d'un truc à quelque chose. Il peut se trouver des experts qui décréteront au contraire que c'était la tuberculose. C'est pourquoi je prends les devants pour affirmer dès maintenant, croyez pas ces vieux imbéciles, j'avais une santé de fer, je n'avais qu'un petit travers. J'avais le cœur un peu fragile, le cœur fragile, les mains fébriles, la bouche offerte. J'aurais vécu sans avoir cru l'île déserte. En attendant, le cœur battant, la découverte. Je veux dormir, je veux mourir, la porte ouverte. Quand on prend tout d'un cœur léger, il paraît qu'on vit sans danger, que la mort longtemps nous évite. Moi j'ai voulu croire au bonheur, et j'ai pris tant de choses à cœur que mon cœur a battu trop vite. Au lieu d'être un homme averti qui se passionne au ralenti, j'ai pris le parti des poètes. C'est en cherchant la toison d'or que mon cœur a battu si fort. Quand j'y pense encore, il s'arrête. Le cœur fragile, les mains fébriles, la bouche offerte. J'aurais vécu sans avoir cru l'île déserte. En attendant, le cœur battant, la découverte. Je veux dormir, je veux mourir, la porte ouverte. Me dira, c'est pas sérieux, on ne s'en va pas pour si peu, il faut des raisons bien plus fortes. Mais je n'ai pas d'autre raison de mettre sous le paillasson la petite clé de ma porte. On peut mourir tout doucement d'un petit baiser qu'on attend, d'une voix froide au téléphone, d'un mot qu'on lance à bout portant, d'une confiance qu'on reprend, d'un amour qui vous abandonne. le cœur fragile, les mains fébriles, la bouche offerte. J'aurais vécu sans avoir cru l'île déserte. En attendant, le cœur battant, la découverte. Je veux dormir, je veux mourir, la porte ouverte. Ah, c'est une surprise pour Vincent, parce qu'il m'a indiqué un programme musical, mais je n'en fais qu'à ma tête. Et puis, le peu que je sais de lui, en lisant le courrier qu'il m'a envoyé, j'ai dit, tiens, Jean Ferrat, surtout qu'on n'entend plus beaucoup Jean Ferrat, sur aussi bien à la radio qu'à la télévision, enfin, parlons pas de la télévision. Hein. Et je me suis dit, ce cœur fragile correspond peut-être à Vincent Hamin. Je vais lui donner la parole, bien entendu. L'expérience de mort imminente est une expérience importante par son état de conscience hors du corps. Vous n'avez plus les effets de gravité ni de la magnétisation de la matière. Vous avez des capacités super développées. Vos sens sont exacerbés. Ces capacités vous permettent de réaliser des prouesses insoupçonnées et incroyables, voir à des distances infinies, avoir la vue panoramique et ressentir au-delà des apparences, flotter et bouger avec l'énergie de la pensée constructive et avec celle choisir l'environnement qui vous sied le mieux, comprendre le tout en un instant. Le bain omniprésent d'amour qui vous pénètre n'a pas de limite, vous êtes en symbiose avec celui-ci et rien ne peut l'effacer. Ce sont tes écrits. Absolument, oui, tout à fait. Oui. Salut Vincent. Bonjour Jean-Claude. Très content de venir, de voir, parler avec toi, de discuter de tout ça. Il y a évidemment... La chanson de Ferrat, est-ce qu'elle a évoqué quelque chose en toi? Oui, déjà une première chose, c'est que nous avons été voisins quand il habitait Ivry-sur-Seine, il y a quelque temps. Ah, il y a même... Hein, dans les années 60, hein? Non, un peu plus tard. Un peu plus tard, ouais. Mes parents habitaient Ivry-sur-Seine dans un immeuble, et lui, il était dans un immeuble pas très loin, quoi. Et de temps en temps, on pouvait l'entreapercevoir ou le rencontrer. Donc voilà. Jean Ferrat, c'est surtout ça au début, quoi. Puis après, j'ai appris à le connaître dans ses chansons. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui a, quand il chante Aragon, je trouve que ça me parle beaucoup. C'est là où il avait composé Mamom, elle joue pas, les Starlettes. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Je me souviens, j'avais rencontré là. D'accord. Oui, voilà. J'étais dans les années 65, 66, quelque chose comme ça. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Donc le cœur fragile, Vincent. Oui, Arnaud. Alors moi, je vais expliquer un peu le pourquoi, le comment et l'aventure extraordinaire que j'ai pu vivre il y a de ça 14 ans maintenant, 14 ans. Alors voilà, pourquoi 14 ans, en fait, je vais l'expliquer un petit peu et encore le point d'interrogation reste en moi assez présent. C'est que, pourquoi mettre autant de temps pour parler de tout ça? C'est une question que je t'aurais posée, donc. Voilà, donc j'anticipe un peu, et voilà, donc, en fait, j'ai mis 14 ans pour entrer dans une EMI et en sortir. Je crois que c'est à peu près le délai raisonnable que beaucoup d'expérienceurs, en fait, donc ces gens qui vivent ce genre d'expérience, mettent pour effectivement sortir de ça et pouvoir l'exprimer. Alors moi, je me fais violence parce qu'aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un de très timide, qui aime pas trop parler de soi-même. Et j'ai mis donc, un peu de temps à venir à parler de tout ça et surtout à l'écrire. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu, je pense, une expérience extrêmement troublante, très profonde. Visiter, comme je l'ai fait, ce monde-là, ce monde de l'au-delà, ce monde de la quintessence, c'est quelque chose de transcendant, qui livre après, en fait, un message, évidemment, et je vais vite en parler, parce que c'est le seul message qui reste au bout du compte, c'est le message d'amour. Vincent, ce mot transcendant est mis à toutes les sauces. Oui. Je pense que tu as un autre vocabulaire, le peu que j'ai lu. Oui. Tu es d'accord avec moi? Absolument. Parce oui. que tu es un rebelle à ta façon aussi, toi. Bien sûr, oui. Hein, comme, fait, comme oui. je le suis aussi. Voilà, voilà. Dominique Vallée, oui. qui ne peut pas malheureusement être là, nous a présenté. On a oui. échangé quelques mots tout à l'heure. Oui. Et tu as compris qui j'étais. Bien sûr, oui. Hein ah, oui. Bon. Bien sûr. Alors oui, expérienceur aussi peut-être. Certainement, mais... Mes deux expériences ne regardent personne. Voilà, y je les garde pour moi. Toi, tu as attendu 14 ans. Voilà. Et donc, je connais beaucoup de gens comme moi qui sont dans le silence. Et pourquoi ce silence? Parce qu'il y a une souffrance quand même pour certains, quand même. Et c'est un peu pour ça que j'ai un peu pris le devant pour en parler, c'est-à-dire prendre un peu le flambeau et de sortir de mon trou pour dire effectivement, il existe des gens qui sont dans la souffrance. Et tout ça, c'est suite de toute manière à ce voyage. Hein. Je peux pas être, j'aurais pas pu être comme ça avant. Je veux dire, je m'occupais de moi, puis c'est tout, de ma famille et au-delà de mes amis. Mais aller au-delà de tout ça, donc il me fallait quand même lié à cette expérience, aller délivrer ce message de l'aide et du soulagement. Alors, avant tout, ma première démarche a été au niveau de ma ville aujourd'hui, à laquelle j'habite, d'essayer de rassembler des gens qui ont vécu cette expérience-là pour l'expression. Et pour leur dire qu'ils sont pas tout seuls. Au Châteauroux, tu veux dire. Voilà. Mmh. Hein, parce qu'effectivement, on se rend compte quand on vit ça, on est seul face à ça. On a beau le partager, et moi je l'ai partagé avec très peu de gens, même dans ma famille, parce que c'est quelque chose de incommensurable à expliquer. Mettre des mots dessus, c'est extrêmement difficile. Parler de tout ça communément dans le cours d'une discussion autour d'une table, c'est pas si facile que ça. Donc, quand ça s'est passé, donc je vais un petit peu parler de mon histoire maintenant. Dire que il y a 14 ans. Oui, mais nous avons 2h30 pratiquement. Oui, on a le temps, c'est vrai. Bon, d'accord. Ah. Ah, bien. On va prendre je le sais temps, qu'il y a des centaines de milliers, j'allais dire de milliers. Non, il y a au moins, j'ai regardé tout à l'heure, un peu plus de 15 000 personnes qui se sont connectées. Tant mieux. Oui, oui tant mieux. Mais nous avons tout notre temps. Bien tu sûr. Tu vois, là, on n'est pas chez celui qui vous dit toute la vérité. Là, on oui. prend notre temps. C'est vrai. Moi, je veux comprendre voilà. comment tu en es arrivé là, toi, Vincent. Jean-Claude, je vais faire un petit peu de louange te concernant, parce que je crois que il y a quelque part, il y a des gens qui méritent quand même, s'ils sont très humbles. C'est pas prévu sont... ça. Non, non, mais c'est du direct. Hein. Oui. Voilà, je trouve que Jean-Claude, c'est un des rares. Moi, je le connaissais pas du tout. Il y a pas longtemps encore. Hein. Il y a pas si longtemps que ça, je connaissais pas ton existence. Et j'ai appris à connaître par les rencontres dans les réseaux, tout simplement, manièrement. Il y a une chose qui m'est tout de suite sortie dans la tête, mais en fait, il prend le temps de dire les choses. Il prend le temps d'en parler et il prend le temps de les expliquer. Je trouve que c'est très bien en ce moment, dans le monde médiatique dans lequel nous sommes, où il faut courir toujours après le temps, puisqu'il faut remplir des quotas d'écoute ou des quotas de financiers quelque part. Donc, il faut faire un maximum de monde. Et en très peu de temps. Donc, moi, je trouve que c'est un peu galvaudé, surtout sur ce genre de sujet qui est quand même très... quelque part, en même temps, sérieux, mais très réjouissant, et on va ça l'aborder largement tout à l'heure, dans le détail, je trouve que c'est bien qu'il existe encore une parcelle. Je mets le mot amour dessus, parce que c'est vrai. Une parcelle d'amour qui existe dans cette ville métropole qui est immense. Cette petite lumière qui permet justement à l'amour d'éclore à chaque instant. Arrête, tu vas me faire pleurer, là. Et partout dans ce monde, parce que c'est vrai qu'il y a des gens du Québec actuellement qui nous écoutent. Ouais. Je te parlais peut-être de Nouvelle-Calédonie, parce que moi j'ai une de mes filles qui est là-bas. Ouais. Je sais pas si elle peut se lever, parce que c'est peut-être 1h ou 2h du matin là-bas, mais bon, pourquoi pas. Elle verra après. Voilà, hein, voilà. Au moins jusqu'à 17h, ouais. C'est ça qui permet. Et je crois que c'est très bien. Et c'est pour ça que je voudrais pas que ça disparaisse. Je voudrais que ça continue et que quelqu'un un jour reprenne le flambeau parce que je trouve que c'est très important. Voilà, je fais la petite parenthèse. Je mais c'est parole. Gentil. Hein. Mais non, mais c'est vrai, je crois qu'il faut à un moment donné reconnaître. Ah, mais je suis toujours gêné par les voilà. compliments, mais je les accepte. Merci. Simplement, la seule confidence que j'aimerais faire, puisque tu es là et que tu m'en donnes l'occasion, c'est de dire que moi aussi j'ai vécu, mais je n'en suis pas encore au stade de parler de ce que j'ai vécu, parce que je pense que tout ça est une aventure extrêmement personnelle, extrêmement intime. Et en découvrant ton mémorandum, je me suis dit, merde, Vincent, il a écrit exactement ce que je voulais écrire, ou ce que j'aurais voulu écrire, que j'avais commencé d'écrire, mais qu'on m'a supprimé. Oui. Tu vois, alors j'ai dit, tant mieux, donc ça doit continuer à écouter des témoignages. Voilà. Écoute, moi, on va co-signer ça, si tu veux bien. Je crois que c'est le même... Même langage, exact. En tout cas, hein. Ouais. C'est ça. Donc, c'est vrai que là, j'ai parlé de spiritualité. Tu parles d'amour, tu parles de spiritualité. Ah oui, c'est concordant tout ça quelque part. D'ailleurs, tu parles beaucoup plus d'amour et de spiritualité que tu parles de toi. Alors. Là, c'est ta première émission. Voilà, oui. Première fois que tu es devant un micro. Exactement. Quoique tu m'as confié très peu de renseignements sur toi. Tu m'as dit simplement, moi, j'adore le son. Oui. Bah oui, c'était un peu une partie de ma vie. Bon, j'ai 62 ans aujourd'hui. Ça fait 42 ans que je travaille. J'ai toujours travaillé dans le monde artistique. C'est ce que je voulais faire, au fait. En fait, mon père était quelque part un artiste amateur, mais qui m'a transmis un peu cette envie-là. Donc, je suis rentré dans ce monde-là pour, au tout départ, faire du spectacle vivant, ce qui a été jusqu'à aujourd'hui encore. Et j'ai commencé à appréhender le son. Et j'étais comme aujourd'hui tu es aujourd'hui Jean-Claude, derrière les consoles et les boutons, voilà. C'est pour ça que le son, je connais très bien. On parlera de matériel après si tu veux bien, mais il est satisfaisant là, tu t'entends bien. Là oui, très bien, ça marche, très bien. Ça commence à réagir. Voilà. Géraldine depuis son Québec dit oh encore un qui fait des louanges à JC. Et oui. Et t'aimerais bien qu'on t'en fasse. Hein. Exactement, oui, mais bon. Mais bon. Alors raconte-nous. Alors voilà. Raconte-nous ton enfance, ton adolescence, ce que je fais parce que nous avons le temps justement essayer de comprendre après l'expérience que tu as vécue, voilà. Donc il y a 14 ans maintenant. Elle était peut-être inscrite quelque part. Alors justement, c'est une question sur laquelle Dominique et moi on s'est rencontrés tout à l'heure avant de venir ici et on en a un peu parlé. Alors il y a, je vais m'en parler de moi maintenant, je suis né à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, il y a un peu plus de 62 ans maintenant. J'ai vécu là-bas, dans ce monde, dans ce nord, pardon, dans ce beau pays quand même, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui. Les gens sont charmants, c'est vrai que c'est des gens qui ont le cœur... très ouvert. Comme Géraldine qui vient d'écrire. Ouais, du coup, il va être tout gentil avec vous, le JC, si vous le caressez dans le sens du poil. Bien joué. Ah, d'accord. Tu vas la fermer, toi. Hein ouais. Voilà, donc je suis né à Boulogne, j'ai vécu longtemps à Lille, j'étais à Saint-Amand, à Valenciennes, c'est mes études. Et c'est une chose que j'ai très peu dit à personne, d'ailleurs, à très peu de personnes, pardon, c'est que j'avais à peu près 10 ans dans la rue, en revenant du collège, en essayant de prendre mon car. J'ai entendu une voix très puissante qui me disait « Il va falloir qu'on s'occupe de nous. » Bon, je me retourne, personne dans la rue, évidemment. Puis ça y est, c'est un délire. Qu'est-ce qui se passe, quoi? À 10 ans, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce coup-là, quoi? Et quelques années plus tard, encore, de nouveau, la même phrase. Bon. J'ai dit « C'est bizarre, il faudrait que je me renseigne, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est dans ma conscience, mon subconscient, enfin mon inconscience plutôt, et de dire, est-ce que j'invente pas ça ou je me projette à me dire des paroles comme ça? Donc je n'en sais rien. Enfin bref, c'est que par la suite, j'ai compris petit à petit qu'il se passait des choses effectivement. Et c'était pas tout de suite, puisqu'il a fallu attendre à peu près... Donc il y a à peu près, je vais faire les calculs, 50 ans en gros, 49 ans pour qu'il se passe réellement quelque chose, quoi. Et tu en as parlé autour de toi? Ah non. Non? Non, non, jamais. Mais quel sentiment tu avais? Tu connaissais cette voix? Tu l'avais déjà entendue? Enfin, la première fois que tu l'as entendue, as-tu eu le sentiment qu'elle était familière? Absolument pas. J'étais surpris. Je connaissais pas cette voix. J'étais pas, je m'y attendais pas parce que c'était dans la rue, comme un gamin de 10 ans, on se disait, on regarde plus tous les autres et on rigole des autres, quoi. Mmh. J'attendais, j'étais impatient de prendre le bus, je voulais rentrer chez moi, quoi. C'était quand même assez tard, hein. Voilà. Moi, j'ai pris comme ça, a duré quoi, un quart de seconde, c'est tout. J'ai dit, bon, j'ai entendu quelque chose, quoi. Mais est-ce que c'est ça réellement? Je n'en sais rien du tout. Et tu n'as pas eu d'explication à ce moment-là? Absolument pas, non, non. À 10 ans, c'est vrai qu'on pense à autre chose, hein. Voilà. Et par la suite, donc, quelques années après, voire une dizaine d'années après, je sais plus trop dans le temps où la situer, cette voix de nouveau est revenue en, peut-être un peu plus forte, plus présente, quoi. Et c'est là, ça a certainement ouvert en moi un questionnement beaucoup plus ciblé. D'où ça vient? Qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi j'entends ça, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et puis, bon, petit à petit, j'ai abandonné le truc. J'avais pas la réponse. Impossible de trouver ça. Même dans les bouquins, bon, à l'époque, il n'y en avait pas trop. Je pense que... Puis j'avais autre chose. J'étais assez jeune, j'avais autre chose à penser. Plutôt d'aller voir les filles, hein, d'aller... Séduire les filles. Tu t'es rattrapé les années qui ont suivi. Voilà, exactement. Hein, c'était un peu l'envie à l'époque, quoi, lié à l'âge, quoi. Tout simplement, et à un moment donné, donc... Et c'est là que je vais de nous faire un hommage, parce que je trouve qu'il y a des gens qui sont dans un parcours de ma vie qui sont par hasard, quoi. Je suis tombé sur un bouquin qui était émanée justement d'un ecclésiastique qui était le père Brune. Les morts nous parlent. Évidemment, ça fait résonance avec ce que j'avais entendu, et ça commence petit à petit à faire cheminement dans ma tête. Mais peut-être que c'est un mort qui m'a parlé. Peut-être que c'est ou autre chose, je sais pas quoi. Bien. Alors évidemment, le père Brune, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. J'ai essayé de le contacter. Bon, je sais qu'il est très pris, assez fatigué, et qu'il prépare certainement un autre bouquin. Donc, il a certainement autre chose à faire. Peut-être qu'il nous écoute, je sais pas. En tout cas, je lui envoie un hommage parce que je trouve que c'est quelqu'un d'une qualité exceptionnelle. Je l'ai appelé hier soir pour lui dire. Il m'a dit, tu sais, j'en ai tellement entendu d'histoires. Voilà, voilà. Et je lui ai répondu, oui, mais comme celle que tu vas entendre, non. D'accord. Bon, mais François fait ce qu'il veut. Oui, donc s'il est là, là il... bonjour Père François. Parce que c'est... François, il se cache pas. François, il t'a répondu, je pense, comme il m'a répondu. Il me tarde de partir de l'autre côté. Voilà, voilà, il prépare son au-delà, il a raison. Et François, t'oublie pas de venir faire une émission avec moi avant. Avant, voilà. Et c'est vrai que ça le fait rire, parce que voilà, des êtres comme lui, ils sont adorables. On aime ou on n'aime pas, mais il a tellement rendu service à des milliers de personnes, exactement, François. Exactement, oui. Moi, je trouve que c'est une œuvre magnifique et magistrale qu'il a. Tu as déjà une question. Oui. Hein, ça va être entrecoupé entre l'interview, les questions. Alors, ne vous privez pas, surtout. Oubliez de parler de vous. Posez des questions, c'est ça le plus intéressant. Thierry, qui écrit, est-ce que vous êtes capable de reconnaître sans hésitation une personne qui ment et celle qui a également vécu une véritable NDE ? Est-ce qu'il y a un accent de sincérité qui ne trompe pas en la matière ? Absolument, oui, tout à fait. Alors là, je peux répondre très bien, puisque la question a été posée plusieurs fois. C'est que le langage qui est exprimé par les gens qui ont vécu une EMI, donc l'expérienceur, est un peu à l'identique. C'est-à-dire, on se reconnaît à ce niveau-là. Et s'il y a des expérienceurs qui nous écoutent, je pense qu'ils savent ce que je veux dire. Vous savez que les mots, et certains mots, sont en résonance avec ce qu'on a vécu. On a beaucoup d'imagerie, en fait, ou d'iconographie qui sont identiques. Notre difficulté, c'est vrai qu'après un voyage comme ça, dans lequel j'ai parlé tout à l'heure, c'est la grande difficulté, c'est de mettre des images et des mots. Les mots terrestres, enfin les mots de notre grammaire, ne sont pas suffisants. Généralement, on pallie un peu, c'est un peu le dixième de ce qu'on ressent, quoi. Donc, dans ce bouquin qui s'appelle, que je suis en train d'écrire tranquillement, avec tout mon ressenti, hein, et pas autrement, spirituel surtout, j'emploie des mots, effectivement, qui sont très forts, très imagés. Mais ça a été cette grande difficulté. Voilà. En fait, ce que j'ai compris, c'est que tu parles beaucoup plus d'après l'expérience. Oui. De ce que ça t'a apporté. Absolument. Plutôt que de te parler de rencontres extraordinaires. T'as vu Dieu, t'as vu des anges. Tu parles beaucoup plus. C'est là où ce récit, cette expérience, elle est vraiment à part. Oui. Oui. J'en ai reçu des témoignages. Hein, oui, je comprends. Plus de 150. C'est vrai que ça revient souvent. Bon, mais c'est vrai. Mais toi, c'est vraiment à part. Oui. Bon, ben, oui, c'est bien. Enfin, maintenant. Il y a plus un enseignement. Oui, c'est exact. Que tu essaies de passer un petit peu. Voilà. Tu me rappelles une femme extraordinaire qui s'appelle Alexis Ambre. Oui. J'en parle aussi parce que elle fait partie des très très proches de ma vie. Ne vous attendez pas à des histoires extraordinaires, à des rencontres, à des trucs, à des machins. Non, il y a un enseignement que tu as tiré. Tout à fait, oui. Mais qu'en savais-tu avant ? Rien. Alors moi, évidemment, j'étais élevé dans la religion catholique, chrétienne, très assidu au niveau de la présence, au niveau des cérémonies, puisque les parents nous ont formés à ça. Je veux dire, bon, moi j'en ai fait mon parcours, je suis en résonance certainement par rapport à ce que j'ai entendu ou reçu comme enseignement à ce moment-là religieux. Tu as été enfant de cœur ? Oui, j'y étais, comme la plupart des copains, on est tous, on y allait aussi pour rigoler, hein. Je suis désolé, mais c'est vrai, j'aimais bien moi y aller pour boire du pinard en cachette. Exactement, dans la sacristie. Oui, et surtout j'avais un curé qui était extraordinaire, moi, qui arrêtait sa messe ou son office en plein pour engueuler, mais d'une verve incroyable, les gamins qui étaient devant au premier rang, qui chahutaient. Et tout le monde rigolait dans l'église. Ben, je trouvais ça magnifique parce que c'était un échange, c'était sympa, quoi. Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit, tu as écrit ce que j'aurais pu écrire. Oui. Mais avec tes mots à toi. Voilà, d'accord. l'histoire de des burettes en cachette, oui, à la sacristie, voilà. Je veux dire, voilà. Quel est l'enfant de cœur qui n'a pas fait ça? Où on prenait mal à plaisir, vous savez, la sonnette là, qui résonne à chaque pour faire lever le monde ou les gens, peu importe. Et nous, moi, je m'étais amusé à dévisser les écrans. Évidemment, c'était une fois, enfin, c'était. Ou alors à bloquer le petit truc avec du scotch pour empêcher que voilà, ça fasse ding-ding. Oui. Les mêmes conneries, voilà. Quoi. Ben voilà, exactement. Bon, c'était rigolo, et la religion à ce niveau-là, c'est vrai, bon, cet enseignement était acquis, ok, bon. Mais j'ai fait mon parcours personnel aussi. Alors ton enfance, elle se passe de ville en ville. Oui, exactement. Ton père, ta mère sont... Voilà, ont vécu donc pour une grosse partie dans le Nord, après ils sont descendus sur Paris, hein. Après, ils sont remontés un peu plus dans l'Oise. L'activité de tes parents? Alors, mon père était voyageur de commerce, d'ailleurs. Je crois que c'était le vrai terme. Ma mère était professeure. Donc, voilà. En école. De professeur de? Alors, elle était professeure des écoles. Alors, elle enseignait un peu de tout. Mmh, voilà, d'accord. C'était bon. Un stit. Voilà, oui, maîtresse. C'est ça. Voilà. Mmh. Oui, presque, oui. Oui. Voilà, voilà. Mais après, elle a été plus dans l'action, Elle a fait partie de cette action générale catholique féminine, je sais pas comment on appelle ça, la CGF, je me souviens, qui a été elle était secrétaire générale au niveau Paris, donc c'est pour ça qu'elle est descendue sur Paris pour y habiter. Voilà. Ma mère, c'est ça. Donc je suppose éducation catholique, la prière. Absolument, voilà. Avant tout le repas, tout à fait. Voilà. Se mettre à genoux fin de journée. Non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Non. Non. Pas pas de style, tu vas faire ta prière avant de te coucher. Non, non, non. Non, non, non, non, non, non, non, ça va, c'était une catho bien. Oui, oui, tout à fait. Hein? Ah, oui. Alors, voilà, donc... Et ton père aussi catholique? Oui, oui, tout à fait. Mais bon, ma mère était quand même quelqu'un d'une femme de caractère. Hein. Et combien d'enfants? Nous étions quatre à la maison. D'accord. Hein, voilà. D'accord. Donc, fille, garçon... Donc, j'ai, oui, un frère et une grande sœur et une jumelle, donc voilà. Donc deux garçons, deux filles. Et qu'est-ce qui te passionne quand tu es enfant? À 10 ans, on a des passions. Tu voulais être quoi? Pompier, docteur, aviateur, ingénieur du son? Oui. Alors déjà, moi, il y avait l'aspect artistique des choses. C'est-à-dire que le métier, je l'ai concevé artistiquement. Alors j'ai commencé à faire des études, enfin, entrer dans les études de l'ébénisterie, tout simplement, pour faire des meubles. Hein, c'est ce que j'avais envie de faire. Et par la suite, j'ai dévié un petit peu plus. Je me suis dit, ben, mon père étant un ancien acteur... amateur, mais bon, il a quand même fait beaucoup de théâtre dans sa vie, et il m'a quand même transmis un peu cette envie, cette fibre, ce virus, hein, qui fait que tous les gens de théâtre savent très bien ce que c'est, ou les gens qui travaillent dans nos spectacles, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on s'en sort plus. Mmh. Hein, voilà. Donc il m'a transmis ça, et bon, voilà. Et de bon an en an, je suis arrivé à Orléans, dans une maison de la culture en préfiguration, puis après, bon, j'ai fait tout un parcours un peu compliqué dans le domaine du son, hein. Après, j'étais en Avignon, chez Gérard Gélas, à la compagnie du Chêne Noir, comme directeur technique. Et après, je suis monté sur Mulhouse, dans la même fonction, dans une structure d'accueil de spectacle vivant. La Bougeotte, Vincent Hamin. Voilà, après, j'ai travaillé... Ou simplement l'envie de faire ce qu'il a envie. Voilà, voilà, rencontrer beaucoup de gens, c'est vrai, beaucoup de personnes intéressantes, ou moins intéressantes. Après, j'étais sur Nancy pour prendre la direction technique des ballets de Nourrieff et de Patrick Dupont. Hein, au ballet théâtre de Nancy, puis après j'ai arrêté tout ça parce que c'était des tournées internationales qui étaient un peu lourdes. Puis je suis parti retrouver mon nord, ma patrie, enfin mes racines. Et j'ai travaillé à Lille dans une scène nationale. Puis un jour, un ancien collègue est devenu directeur du théâtre de la scène nationale de Châteauroux et il m'a appelé pour mettre en place toute une équipe et toute la structure, quoi. Donc, rien à voir avec l'aventure qui t'est arrivée quelques années plus tard. Non, voilà. Donc, j'étais bien installé à Châteauroux quand un jour, j'ai dû aller voir le cardiologue. Parce que j'étais pas trop bien, je m'étais très fatigué, voilà, souvent fatigué, souffle au cœur, enfin, donc, et j'avais un problème de valve mitrale, qui était un peu calcifié, donc qui filtrait pas bien, quoi, qui laissait passer le mauvais sang. Donc ça ne portait pas préjudice maintenant, puisque j'étais assez jeune, j'étais donc assez costaud, mais mon cardiologue me dit il faudra pas tarder parce que ça peut devenir très vite grave. Vous avez un risque majeur d'AVC ou bien de crise cardiaque, quoi. Alors j'en reviens à la chanson de Ferrat, ce cœur fragile. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui a provoqué la fragilité du cœur? Alors on me dira, ne rentrez pas dans les détails, on sait très bien que c'est génétique ou c'est héréditaire, ou truc comme ça. Mais moi je dis qu'il y a des peines de cœur. oui. qui fragilisent le cœur. Exactement. Et des peines qui sont pas toujours apparentes. Voilà, tout à fait. Exactement, Jean-Claude. Oui. Ce côté. Tu as eu des chagrins d'amour? Oui, beaucoup, beaucoup, oui, beaucoup. J'en ai eu beaucoup, oui. Il y a eu beaucoup de rencontres, des choses qui sont pas faites, qui m'ont fait mal, des séparations aussi qui sont pas faciles. Voilà, il y a eu tout un maelstrom de douleurs qui a fait qu'effectivement, ça a atteint à un moment donné l'aspect organique des choses, quoi. Le cœur a pris certainement un coup. Voilà. Donc, me voilà en octobre 99. Enfin, est-ce que tu as repensé à ce moment-là, à cette voix que tu avais entendue quand tu avais 10 ans? Non, pas du tout, non. Non. Non, non, pas du tout, non. Non, non. C'est resté l'être morte pendant... Oui, pendant très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. S'il n'y a pas très longtemps de ça, en fait, ça m'a fait repenser. Et c'est là où j'ai compris beaucoup de choses, quand même, quelque part. Donc, je vais parler de mon opération, rapidement. Donc, tu prends rendez-vous avec un cardiologue. Voilà, qui me dit, bon, effectivement... Examen de routine. Voilà, monsieur, il faut absolument que vous alliez vous faire opérer. Ça peut pas durer. Vous risquerez quand même un accident majeur. Bon, OK. Alors, au fond de moi, je dis, oh, merde, je suis encore jeune, j'ai pas envie de... Hein, bien. Bon, toujours un bon an mal an, il m'a dit, je me suis donc pris rendez-vous à Tours. Donc, c'est une clinique, c'est la clinique Saint-Gatien à Tours. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui la connaissent. C'est quand même une clinique qui est très, au niveau de la technologie opératoire, elle est très, très poussée. Hein. Donc, ils travaillent très bien. Et c'est des gens qui travaillent, qui sont vraiment des... font partie de la haute... la haute technologie, hein, quand même. Des gens qui pratiquent la haute technologie. Et donc, le cardiologue me reçoit là-bas et me dit, monsieur Hamain, vous tombez très bien. Parce qu'on recherche un cobaye, oui, sans mettre le mot, j'ai pas d'autre mot. Un cobaye, parce qu'on va expérimenter une nouvelle technique d'opération de la valve mitrale. Ah. Donc c'est un professeur qui viendra du Canada, donc, justement, hein, le Canada, qui s'appelle le professeur Tyrone, qui devait venir quelques mois après sur Tours pour justement pratiquer cette nouvelle technique de remplacement de la valve. Mais il dit, comme tous les tout cobayes, c'est la première fois en Europe, hein, donc aux États-Unis, au Canada, donc en Amérique du Nord, sont quand même pratiqués depuis un an, donc ils ont quand même un recul nécessaire pour dire que c'est une technique qui marche bien, quoi. Mais ça t'as pas rebuté d'être le cobaye? Non. Parce que tu passais à la télévision, le savais, non? Non, pas du tout, non. Moi, je m'attendais à être opéré par un monsieur qui viendrait, un vieillard, venir montrer un peu cette technique. Vous rendez compte, voilà. Je suis choisi pour être... Voilà. Alors, bon, cette question... Tu as posé des questions, savoir s'il y avait des risques Oui, oui. Ouais. Oui, comme toute opération, bien sûr, hein, on va dire. Surtout celle-là, qui est quand même de la haute voltige, hein. C'est-à-dire que c'est, le docteur, il maîtrisait bien, quand même, cette technique, quand même, hein. Mais ce que je ne savais pas, c'est que, pourquoi j'étais choisi, quoi. Alors, évidemment, la morphologie correspondait tout à fait aux critères de sélection, le moment, peut-être, ou c'était dans 3 mois, c'est le temps nécessaire pour mettre en place cette histoire-là, dire que le cœur qui était le mien correspondait tout à fait à un besoin d'examen qui correspondait tout à fait à la réalité de ce qu'il devait faire. Voilà, donc mon âme allant, j'ai accepté effectivement d'être le cobaye. Il commençait donc à s'occuper de toi, là. Voilà, oui. Voilà. Je savais qu'il y avait un risque majeur et ça ne me posait aucun problème. Comment tu t'es préparé à cette opération? Alors, c'est une opération à cœur ouvert, je suppose. Absolument. Alors, donc, la technique, c'est la plastie mitrale, hein, qui est actuellement fait aujourd'hui. C'est en fait, on enlève la valve mâle, très mâle, celle qui est détruite plus ou moins, et on redécoupe à l'intérieur une autre valve dans le muscle du cœur, et on lui adjoint un anneau, enfin bref, on reconstitue la valve à partir de l'existant. Quoi. Donc cette technique, elle est extraordinaire, puisqu'elle ne nécessite pas du tout d'implant autre, hein, que pas de corps étranger, voilà, rien du tout. Donc pas du tout d'anticoagulant par la suite. Enfin bref. Et aujourd'hui, c'est vrai, j'ai un cœur neuf. Quoi. Vincent, mentalement, psychiquement, physiquement, comment tu te prépares à cette opération entre le moment où il t'a été annoncé cette opération et le moment où tu l'as vécu? Alors évidemment. Un mois, 2 mois, 3 mois, entre 3 mois. Trois mois. Donc je suppose que pendant ces 3 mois, il y a eu une préparation. Oui, tout à fait. Une préparation psychologique. Bon, je savais que j'avais des risques majeurs de partir. Ça ne me posait pas trop de questions, en fait. Bon, j'étais confiant. Je dis, après tout, s'il déplace quelqu'un du Canada, c'est que ça doit être sérieux, quand même. Il va pas se louper, quoi. Oui, mais il y a quand même... Oui. Ça balise un peu quand même. Hein. Mais voilà, donc mon boulot, bah, je m'étais donné à fond dedans, parce que je me dis, ça va me laver la tête, ça va m'occuper, ça va être très bien, ça va m'enlever mes angoisses, c'est vrai. Donc je me suis donné à fond pendant 3 mois, puis il a fallu le moment partir et trouver mon remplaçant, donc ça s'était fait. Et là, j'ai pris conscience qu'effectivement, le moment était arrivé. Ouais. Est-ce que tu as pensé à un moment... que tu pouvais rester sur la table d'opération. Ah oui. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as demandé de l'aide? Est-ce que tu... Non. Alors, ce qui est étonnant, c'est que j'y allais serein. Tu as été le cœur chantant? Serein, oui. Ouais. Serein. Je me vois encore fumer à l'époque. Hein. Bon, j'en avais pas droit de fumer, mais j'avais quand même décidé de bien, après tout, de fumer ma dernière cigarette, presque. Sur le balcon de la chambre de la clinique, je dis, bon, allez. Et j'ai pensé à ça. Je dirais, il y a peut-être une chance majeure que je puisse pas revenir. Bon, c'est vrai que j'avais déjà des enfants à l'époque. Ça me faisait de la peine pour eux, quoi. Voilà. Et je lui dis, bon, de toute manière, t'es en bonne main, il y a aucun danger, quoi. Et c'est vrai, j'allais serein. Et un matin, donc, je suis appelé, on m'a mis en tenue bleue, on m'a mis sur le chariot, on m'a emmené dans les couloirs froids et les ascenseurs, et je suis arrivé dans la salle d'opération. Évidemment, c'est là que j'ai compris que... Attends. Moi, j'aime bien que... Il y a du suspense. D'accord. Parce que j'ai d'autres questions. Je sais que tu es pressé d'arriver à cet instant magique de ta vie. Bah oui. Mais ta vie, comment était-elle? Puisque tout s'est transformé en toi après, avant. Tu te souviens d'avant? Oui, tout à fait. Tu étais un gros con, tu étais un... Non. Non, tu étais un... Ah, non. Tu avais un sale caractère. Non, pas du tout. Tu étais quelqu'un d'ambitieux, qui était quelqu'un qui était prêt à écraser l'autre pour pouvoir pas prendre la place. Alors moi, je suis quelqu'un qui aime pas beaucoup parler de moi. Là, t'es mal barré, hein. Et oui. Et je m'écrase souvent par rapport aux autres. C'est vrai que, avant, et je travaille aujourd'hui encore, c'est souvent les autres qui prennent les glorioles. Moi, ça m'intéresse pas. Mais c'est pas grave. C'est pas ça le but. Dans le programme, c'est se faire plaisir et se faire plaisir. Donc là, à ce niveau-là, avant, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est encore moins. Bon, j'ai pas envie de prendre les glorioles. Alors, dans quel état j'étais avant? Mais j'étais bien. J'étais un garçon qui était heureux. J'avais une compagne à l'époque. Ça allait bien, quoi. Pas de soucis financiers. Non. Pas de soucis amoureux après pas mal d'épreuves. Ah, si, après, ça a été plus compliqué. Mais bon, je crois que tout est lié à un moment donné. Voilà, donc et toujours est-il que tout allait bien, et puis c'est vrai que j'avais des amis proches, j'avais perdu plein d'amis aussi, malheureusement. Mais dans ma tête, au niveau de ma spiritualité, j'étais bien, quoi. Quand tu dis j'étais bien... Convaincu qu'il existait quelque chose d'après, bon. Ça, c'était quelque chose de convaincu. Mais tu avais lu des bouquins? J'avais, oui, le Père Brune. Père Brune, oui. Mais très peu. J'avais abordé le sujet très peu. Bon, j'étais plus dans la religion, parce que je pratiquais plus. Hein. Mais en moi, il y avait toujours cette présence-là qui est là. Tu avais lu Raymond Moody, par exemple? La vie après la vie. Ou The Life. Life. Et oui, c'est la vie après la vie. Oui, la vie après la vie. Hein. C'est pas la vie après la mort. Nous sommes d'accord. Hein. Et la mort, bon, on est d'accord, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Est-ce que c'est réellement la mort? Maintenant, la vie après la vie, oui, j'ai lu Maudy, oui, effectivement, c'est lui. J'ai lu aussi quelqu'un que j'admire beaucoup, et j'ai eu la chance de rencontrer un de ses collaborateurs, qui est actuellement sur Châteauroux. Je vais rendre hommage au docteur Hervé Mignot, parce que c'est lui qui a mis en place l'association Elisabeth Kubler-Ross, qui est une dame extraordinaire, qui était une des pionnières à l'époque, et je trouve que ce qu'il a mis en place sur Châteauroux, et au niveau national, c'est l'accompagnement dans le deuil. Personne en fin de vie, oui. Voilà. Je trouve ça admirable. Mais ça, j'en parlerai après. Oui, bien sûr. Non, c'est en lisant Elisabeth aussi que j'ai, peut-être, mais je dis que c'est pas pour moi, ça. Je me disais, je partais à l'abattoir, entre guillemets, sans dire c'est pour moi, ça. Mais non, ça arrive qu'aux autres, effectivement. Donc j'étais parti, je partais serein, dire après tout, il va se passer quelque chose ou pas. Et j'étais pas convaincu du tout de ça. Voilà. Mais tu avais confiance, je suppose, dans l'équipe médicale. Absolument. Et tu avais confiance aussi dans la vie. Absolument, oui. Parce que j'avais des projets après. J'avais plein de projets, je veux dire, professionnels. Ah, ça, c'est chouette, ça. Voilà. C'est chouette. Voilà. La vie continue, quoi. Absolument, oui, c'est une étape. Si j'y reste, j'y reste. Voilà. Si je reviens, je continue. Absolument, voilà. Ah, chouette. Ouais, ouais. Mais très pessimiste, très optimiste, oui, pas oui, pessimiste, oui, je veux oui, dire. Oui. C'est très... Et c'est vrai que c'est important, je trouve, dans le... Voilà une première leçon. Voilà. C'est important de dire, d'aller dans une opération où, moi, j'étais à l'aventure complètement. C'était, bon, une grande première. Bref, c'était, malgré que c'était des ténors de chirurgien, enfin, du haut de la, de très haut niveau. Mais, après tout, tout pouvait arriver. Mmh. Je partais serein avec ça, quoi. Voilà. Je pense que ce qui a, ceci explique cela, à un moment donné. Mmh. On en parlera après. Oui, oui, non, mais c'est bien ce que tu viens de dire, Vincent. Mmh. C'est là où je me trouve très proche de toi. Moi, oui. Quand je partais en opération, je disais au chirurgien, à l'anesthésiste, quand je sors, je chanterai la Marseillaise. Et je le faisais. Oui, je de comprends. Se dire, je vais. Oui. Ils sont là. Voilà. Ils sont là et c'est pour nous protéger aussi. Mmh. Pour bien nous anesthésier. Absolument, tout à etc., fait. Etc., etc. Alors, il y a une chose quand même, les angoisses étaient là quand même. Parce que je me souviens, en partant de Châteauroux pour Tours, il y a 1h30 de route, en gros. C'était l'été indien, d'ailleurs. C'était magnifique. Des belles lumières le matin. Ça se passait quand? C'était en octobre 99, je crois. Enfin, je sais plus, j'arrive plus à trop. Faut que je regarde mes papiers, mais j'arrive plus à trop. Mais je crois que c'est là, à ce niveau-là. Et j'allais retrouver, donc, cette capitale de la Touraine, Tours, avec ma compagne de l'époque, et on partait en voiture tous les deux, et je me souviens des belles lumières qui étaient là, et disent, C'est tant mieux, ça m'aide. C'est étrange que tu te souviennes du climat, du soleil, des lumières, et que tu ne te souviennes pas du jour exact et de l'année exacte. Oui, exact. Si, l'année quand même. 99. Oui, l'année. Et le jour, le mois? Octobre ou 3 octobre. Je sais plus, faut que je regarde. Jamais été vérifié. Enfin, je devrais d'ailleurs, parce qu'il faut quand même faire une concordance des choses. Mais, là, non, je pense que c'est début octobre 99. Je pense que c'est le 3 ou 4, mais bref. Je crois que c'est ça. Et je me souviens de ces belles lumières qui étaient là dans ce beau paysage de Touraine. Et j'avais au fond de moi des poussées d'angoisse terribles, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe là? Où est-ce que je vais? Putain, je vais peut-être mourir. C'est grave. Au secours. Mais intérieurement, ma compagne qui était à Cornu, qui conduisait, parce que je voulais pas conduire. J'étais trop, j'écoutais de la belle musique, je me souviens. J'étais trop dans le, voilà, j'essayais de chasser tout ça en moi, quoi. Je disais rien. Elle me disait, tu vas bien? Mais je dis, oui, tu vas très bien, c'était génial, quoi. En fait, non, c'était... En fait, hyper angoissé, hyper anxieux. Voilà, mais voilà, bah oui. J'imagine que tous les angoisses, bah, ça angoisse. Bah, toutes les personnes qui vont passer dans un bloc opératoire. On ne sait pas comment on va ressortir. Et dans quelle façon, voilà. Lorsque tu es arrivé, tu en as parlé de cette angoisse? Parce que la première personne que tu rencontres, c'est très souvent l'anesthésiste. Absolument. Non, pas du tout. Coucou Charbonnier, si tu nous écoutes. Hein. Je t'embrasse. Oui. Jean-Jacques Charbonnier. Ouais, moi aussi, je le connais pas, mais je sais qui il est, donc c'est bien. Et je sais qu'il écoute. Voilà. Et je sais que tu es dans le studio, Jean-Jacques Charbonnier. Oui, c'est vrai. Il porte ton nom. Ouais. Et oui. C'est bien. Donc l'anesthésiste, non, je ne laissais rien transparaître. Hein. J'étais un peu fier, je veux dire, après tout, j'ai montré que je suis assez fort. Hein. Mais bon, je trouve qu'ils ont je connais pas les autres hôpitaux, les autres cliniques, hein, mais en tout cas, cette clinique-là, ils ont quelque chose de fort, c'est qu'ils ont une empathie très importante pour les gens qui viennent se faire soigner. Et je trouve ça très bien. Et donc, cet accueil-là, il est magnifique. C'est que ça vous enlève toutes ces angoisses et toutes vos inquiétudes. Vous êtes pris en charge avec amour, je pense, avec un véritable sentiment qu'il a, quoi. Tu es arrivé à quelle heure? Tu t'en souviens? Assez tôt le matin. Le matin, oui. 7h, je crois. C'est 7h. À Jean? Oui, à Jean, évidemment, oui. Alors, évidemment, on vous attribue une chambre, une belle chambre qui donnait sur la place. Je voyais un peu la cathédrale, d'ailleurs. Et j'entendais un peu le bruit de rue, c'était le réveil de la ville, hein, c'était bien. Et je tournais en rond dans cette chambre, c'est vrai, parce que l'attente est longue. C'est ça ce qui est terrible. Hein. On arrive en bonne santé, ou presque. Voilà. Et d'un seul coup, on est prisonnier. Voilà, exactement. Et le stress arrive à ce moment-là en disant... Tu as pensé à un moment te barrer de la chambre, à quitter la clinique? Exactement. Ouais. Mais oui, j'ai dit je vais faire un petit tour en bas, tant pis, je vais rien dire, mais non. Non. Quand je vous dis que j'ai vécu. Ouais. J'avais envie de ça parce que après tout, il faisait tellement beau, ouais. C'est vrai. Ouais. Enfin, j'avais envie de me barrer moi, des complémentarités d'examen puisque les examens ont été faits longtemps en avance quand même, parce que c'était quand même dur hein, quand même. Les examens sont durs à ce niveau-là, hein. Je peux vous dire que quand on vous enfonce un tuyau pour faire une échographie de très près du cœur, hein, c'est-à-dire qu'on vous enfonce un tuyau gros comme le pouce par la gorge qui doit traverser les clapets qui sont là, et ça fait mal hein, et que vous avez une envie c'est de vomir hein, parce que ça fait très très mal. Je veux dire, ça c'est très douloureux hein. Et il y en a d'autres évidemment. Bien. Bon bref, passé cet épisode-là, j'ai pas m'étendre. Bon, c'est vrai que je tournais en rond dans cette chambre et je me disais, je crois que l'angoisse est montée, elle descendait, quoi. Mais bon, Moi, bon, normalement, les gens passaient, les infirmières passaient, demandaient si tout allait bien. J'ai dit oui, tout va bien, j'attends, quoi. Vous inquiétez pas, ça va être formidable, c'est une opération exceptionnelle. C'est une grande première pour nous, la clinique, mais j'ai dit tant mieux. Bon. Après, voilà. Médication, je suppose. Pardon? Un petit cachet pour, oui, pour tranquilliser des voilà, temps. Voilà, voilà. Mais je dis, vous inquiétez pas, ça va aller. Tu l'as pris, le cachet? Non. Non. Pas du tout. Non, non, j'ai pas voulu prendre ça. Je voulais être acteur. Acteur de ce moment un peu exceptionnel dans le vide de quelqu'un. Je veux dire, vivre une opération, c'est bon, c'est donné aujourd'hui à tout le monde, mais c'est bien d'être acteur. Essayer de savoir comment ça va se dérouler et d'être actif et comprendre pourquoi, quoi. Poser des questions au bon moment. Aller jusqu'au bout, jusqu'au moment où on va s'endormir, quoi. C'est un peu comme ça que je voulais vivre cette histoire-là. Et en particulièrement encore sans être dans ces conditions-là. Voilà. Bon, ben voilà, donc... L'instant fatidique arrive, voilà, on vient te chercher. On vient me chercher, donc là, ça commence à être sérieux, parce que là exactement, très très fort. Hein, là, ça pinçait dans tous les sens, les montées d'adrénaline, le cœur qui s'emballait, évidemment, c'était bien, ce qu'il fallait. Bon, bref, toujours est-il que je suis emmené sur le brancard à roulette, dans les couloirs froids, parce que ça, c'est un peu dur, ça, dans les ascenseurs, pour arriver dans la salle d'opération qui est immense, enfin, je la voyais immense, avec beaucoup de monde dedans, beaucoup. Des micros, des caméras. On m'avait prévenu, hein, qu'il y avait, bon, là, c'est clair. Que ce serait filmé, ouais. Voilà, la veille ou l'avant-veille, j'avais, comme je l'ai pas dit, mais, j'avais été, il y avait la télé qui était passée, quand même, pour... Ah, carrément, oui. Tu étais, oui. L'attraction du village, quoi. Voilà, voilà, voilà. Ouais. Bah, c'était, bon, une grande première européenne, tant mieux pour eux. Et toujours est-il que je voyais beaucoup de monde, quoi. Vincent, quand, des belles présences, quand tu es allongé. Oui. Quand on est allongé, c'est le plafond que l'on voit circuler, un peu les murs, mais surtout le plafond. Oui. Tu pensais à quoi? Est-ce que tu te souviens à quoi tu pensais pendant ce moment-là? Alors, je regardais le ciel éthique. C'est cette espèce de non, mais le lampadaire. Quand tu passes dans le couloir. Ouais. Ce qui est terrible, c'est de voir les fluos, les néons, là, qui défilent très vite, quoi. Cette espèce de, passe de l'ombre à la lumière en permanence, quoi. Ça, c'est marrant, c'est impressionnant, ça. Et puis, ça va vite, il faut pas traîner. On entend des bruits, des chambres qui sont ouvertes, qui se ferment. Enfin, c'est tout un monde. Il faut vraiment se mettre à la place de celui qui est transporté, parce que c'est vraiment... Bon, moi, j'ai pas tout retenu de ce qui s'est passé. On arrive dans l'ascenseur, il n'était pas disponible, il y avait quelqu'un qui prenait, donc il fallait attendre. Donc, tout ça, c'est des moments qui sont intenses, parce que la pression montait quand même. Inconsciemment, elle montait, quoi. Est-ce que tu as vu le film Le Passage? Non, pas du tout, non. Tu regarderas. Comme quoi, ce film, ce très très beau film, montre bien ce qu'est une personne qui va dans un bloc opératoire. D'accord. Les néons qui défilent. Oui, oui, qui défilent, voilà, qui ça défilent. Oui, ça je l'ai vu, ça c'est vrai, c'est une réalité. Et puis arrive... Le bloc. Alors là, les grandes portes s'ouvrent. Et c'est là, c'est un peu une pénombre d'ailleurs. Tout est blanc, tout est aseptisé, ça c'est vrai. Et froid, il fait très froid. Surtout que bon, on est à poil sous le truc, hein, donc on a froid quand même, c'est pas rien. Et on vous allonge, on vous prend et on vous allonge sur la table avec le ciel éthique au-dessus qui est tout comme une douce lumière. Bah, c'est vrai que c'est assez doux comme lumière par rapport à l'environnement. Et là, il y avait des présences, je le voyais pas, j'étais dans la pénombre. Il y avait des micros, des installations, on faisait les derniers réglages. Je dis, on va tourner un film ici, c'est bien. Et toujours est-il que j'ai pris conscience que c'était quand même pour moi, quoi. À ce moment-là. Et là, l'anesthésiste, c'est quelqu'un, je connais pas, j'ai pas retenu son nom, extraordinaire, quoi. Il était content pour moi que ça se passe comme ça pour moi. Un homme, c'était un homme? Un homme, oui. Très doux, très gentil. Il riait de tout ça, il disait, c'est un événement exceptionnel, on va tourner un film ici, c'est génial. Souriez, vous êtes filmé. Voilà, exactement. C'est génial, et je trouvais ça extraordinaire parce que ça m'a vraiment rassuré. Tu te souviens des questions que tu lui as posées avant de sombrer dans le néant. Oui, alors il y avait une machine là qui était là à côté de moi. Je tournais la tête justement pour regarder ce que c'était. Bah ça, c'est la machine pour vous endormir. Et en injection, elle se fait par la machine, mais non pas par le. Ah, je dis c'est bien. Alors quand vous verrez effectivement les seringues qui sont en train de se vider, ça veut dire que le processus est commencé, quoi. Et tu as dormi. Et alors j'ai senti, c'est marrant, j'ai senti le produit gagner mon bras et gagner un peu le terrain. C'est très bizarre, ça. Et puis d'un seul coup, j'ai dit au revoir, il m'a dit au revoir, on se revoit très bientôt, mais j'ai dit au revoir, puis je suis parti. Est-ce ton âme libre ou désir que tu crois? Garde ta flamme vive, je serai toujours là, même si tu ne me vois pas. Dors, ma petite fée, mon cœur, mon ange. Dors, laisse-moi couvrir tes ailes blanches et ton corps. Je veillerai sur tes pas, je serai près de toi. Oh, je te promets que si un jour tu tombes, ce sera dans mes bras, aussi longtemps que tu le voudras. Dors, laisse les étoiles te sourire. Dors, peut-être pour que j'ose enfin te dire le trésor que cachent tes avances quand tu laisses glisser les doigts. Quand tu m'offres une chance de partager avec toi tous les voyages que je ne ferai pas. Non. Vous regardez, vous écoutez la Web TV Étoile du Cœur jusqu'à 19h. Vincent Hamin est l'invité de l'émission En suivant les étoiles. C'est en direct et en même temps, il y a des messages qui arrivent et bien même des SMS qui arrivent et qui me disent « Mets-toi plus près du micro ». Oui. Parce que faire, là, la voix n'était pas... Oui, mais moi, oui. J'entendais très bien. Moi aussi, mais bon, c'est vrai qu'ils ont raison. Donc, on va se rapprocher du micro. Mais c'est bien. Voilà. Ou alors, réglez vos sonotones. Voilà. Cette chanson, tu m'avais demandé de la passer. Tu as vu comme elle est arrivée à l'instant où il exactement. Le fallait. Exactement. Bravo. Bravo. La synchronicité, paraît-il. Tout à fait, oui. C'est bien. Tu as bien dormi, donc? Oui, oui. Oui, j'ai très bien dormi. Alors, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a permis que... Voilà, la question, je l'ai pas comprise tout de suite. Enfin, c'est bien après, c'est des mois après qu'on m'a dit que j'avais fait effectivement une hémorragie après avoir tout refermé. Ils ont failli me perdre. Hein, le cœur s'était arrêté. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à partir dans le vrai, dans le voyage, quoi. Alors, comment ça s'est passé? Moi, j'ai j'ai cette conscience, cette mémoire en moi qui est aussi présente que l'amour de ma mère. Et ça, je veux dire, c'est induit en moi à un point que je peux pas réfuter. Pourtant, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qui était arrivé. J'ai mis beaucoup de temps à aller chercher l'information, à aller discuter avec des gens de science, enfin des gens de science, des anesthésistes, se dire quels sont les effets neuroleptiques des produits anesthésiants. Donc, et j'en suis convaincu qu'effectivement, au bout de tout ça, toute cette recherche, cette documentation, je me suis dit mais j'ai bien vécu quelque chose d'extraordinaire. Quoi. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas mon inconscient ou mon imagerie personnelle. Enfin bref, c'est une réalité. Et quand je parle d'amour de ma maman, c'est vrai que c'est aussi présent que ça. Et c'est aussi puissant que ça. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste de tout ça? Ben, il me reste un monde. Je bouge un peu la table parce qu'elle cogne contre le mur et je crois que ça fait beaucoup de bruit dans le micro. C'était voulu. Ah bon? D'accord. Oui. Excuse-moi alors. Non, mais je t'en prie. Ah bon? Non. Mais c'est le direct, ça. Ah, c'est génial. Ça qui est bien. Hein. Oui, c'est génial. Alors, Vincent. Oui. Tu vas continuer, bien entendu. Oui. Toi, c'est ta maman. Oui. Et moi, c'est mon papa. Ah, c'est incroyable, ça. Tu l'as toujours? J'ai ma maman, qui est 80, très très âgée. C'est comment son prénom? C'est Christiane. Alors Christiane, bisous. Voilà. Elle nous écoute pas, parce mais je pense qu'on va lui enregistrer cette émission-là, on va lui faire écouter. Ouais. Bon, elle a la lecture de ce que j'ai écrit, là, Mémorandum de l'au-delà, pas dans l'éternité. Enfin, elle a un peu cette lecture-là, mais bon, elle sait plus lire, elle voit plus trop clair, donc c'est quelqu'un qui vient la voir tous les jours, qui va lui lire, je pense. Elle verra la vidéo de l'émission, c'est voilà. Encore mieux. Voilà, exactement, hein? Voilà. Donc. Bon, donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai pris conscience qu'effectivement, à ce moment-là, petite rectification technique, à ce moment-là, je ne savais pas que l'âme ou la conscience pouvait être aussi imposante, aussi... environnante. Je me suis retrouvé dans un noir total, un noir prégnant, c'est-à-dire tellement évident, incroyablement évident, qui vous presse de part et d'autre. Vous le voyez consistant, c'est marrant de voir un noir consistant, le trouver consistant, et vivant aussi en même temps. Un noir où il n'y a pas de fini, on le devine infini, quoi, et ça c'est assez angoissant. Ça, je peux comprendre que ceux qui ont traversé cet espace-là, parce que je mets un mot espace sans mettre d'autres mots, c'est quelque chose qui est très angoissant. Mais ça a été très vite, ça a duré très très peu de temps, enfin je crois. Et au fond, effectivement, un espèce de tunnel qui s'est mis en place. Alors je pense que moi j'ai pris le temps de regarder comment ça se passait quand même. Pour ça, j'arrive à mettre des mots dessus. En fait, c'est une figure géométrique qui permet la concentration et l'effacement de la présence humaine et terrienne. C'est-à-dire que ça vous transcende, elle vous permet à votre mémoire, qui est en vous, votre conscience, votre âme, de retrouver un état éthéré, tout simplement. Et c'est le laps de temps entre dans ce noir, dans ce tunnel, qui existe pour permettre à l'âme de se transformer et de devenir éthérée et de pouvoir pénétrer la lumière. Voilà. Alors cette lumière, c'est comme un voile, moi je l'ai trouvé comme un voile, structuré, avec une structure. C'est pas un voile de lumière, c'est pas comme un rideau de fumée, c'est bien quelque chose de fluorescent, de fluorescent, oui. De presque palpable? Oui, presque palpable. Mmh. Est-ce qu'il y a l'angoisse? Pas du tout, alors justement. Parce que le noir, comme tu le disais tout à l'heure, oui. Il peut y avoir cette angoisse, les personnes racontent que... Pendant ce voyage, elles ont revécu toute leur vie en l'espace de quelques secondes. Toi, non, vas directement à la lumière. Oui, mais ça a été très rapide. Hein. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est que cette angoisse, elle est annihilée simplement par un effet de présence sonore, mélodieux, harmonieux. C'est-à-dire, ça vous enlève toutes les inhibitions, ça vous enlève tout, toutes vos angoisses, vos inquiétudes, vous êtes dans une quiétude sans nom, quoi. Et ça vous amène vers cette lumière qui est en rémanence très attirante. C'est-à-dire, elle en dégage de l'amour pur. C'est de l'amour incroyable, quoi. C'est une énergie qui est envoûtante, enfin, qui vous emmène loin, quoi, qui vous perce, transperce à un niveau tel que, ben, vous y allez, quoi. Vous pouvez pas vous en aller, vous allez dedans, quoi. Et une fois dans cette lumière, alors là, c'est là où c'est... Je dis, on va monter en niveau, je veux le dire, hein, en spiritualité, on va monter en très haut. Hein. Là, c'est effectivement dans un espace infini de beauté, quoi. Alors, beauté comment? Beauté parce que tout est à lumière. Alors, la lumière, c'est pas la lumière incandescente que l'on voit par les ampoules, hein. C'est cette lumière qui est magique, qui est vivante, qui est omniprésente, quoi. elle est éclairante, c'est sûr qu'elle éclaire, elle est luminescente, ça c'est sûr. Elle est majestueuse, elle est douce, elle est compréhensible. On met des mots, beaucoup de mots dessus, mais c'est vrai, c'est un peu tout ça. Tu en parles comme d'une personne. Oui. Bah oui, pourquoi? Je sais pas. Parce que j'ai vécu ça comme une rencontre avec quelqu'un de vivant, quoi. C'est quelque chose de vivant, c'est pas... Alors, c'est quoi? Alors, moi, je suis arrivé dans ce monde-là avec tout autour de moi des halos magnifiques de lumière dont les teintes, je peux pas dire les noms, d'ailleurs, parce que je peux pas trouver les mots qu'il faut, qui viennent se coller à vous comme... Je prends l'exemple, c'est vrai, j'ai pris l'exemple d'une école maternelle, dans une classe de maternelle. Tous les gamins, vous rentrez dans la classe et tous les gamins courent vers vous et vous servent par amour, quoi. J'ai ressenti ça comme ça. Enfin, je le décris comme ça aujourd'hui. Mmh. C'est vrai. Voilà. Et à ce moment-là, vous êtes transcendé, quoi. Vous vivez un moment incroyable. Alors, je pense que ce cheminement-là, c'est un peu ce qui se passe pour tout le monde. Sauf, évidemment, mais ça, on en parlera après. Passer ce moment-là, alors le moment, évidemment, je vais pas mettre du temps, parce que le temps n'existe pas. On passe à autre chose. Ça va vite. Ça va vite. C'est ce que l'on sait, ça va vite. Ça va vite, oui. Ça va vite, oui. Et là, une belle présence est arrivée, était présente, une belle présence. Lorsque tu dis, on peut pas mettre de temps, mais toi qui as vécu cette expérience, comme d'autres, on a le sentiment souvent que ça a duré pendant des heures et des heures et oui, des oui. heures. En réalité, ça se passe à une vitesse vertigineuse. Absolument, oui. Oui. La confirme mesure. Donc. Oui, oui, ça va très vite. Tout ça, ça va très vite. Mais vous n'avez plus la notion du temps. Alors, c'est ça qui est un peu paradoxe. On peut pas dire, j'ai mis 10 minutes à prendre conscience de ça, ou mettre 1 heure ou 3 heures. Non. Le temps n'est plus, donc, vous avez l'impression que ça va très vite, effectivement. Alors ces halos sont de lumière magnifique, sont venus se coller à moi, simplement c'est pour me faire prendre conscience que j'étais dans un monde différent, quoi. Tout simplement. Mmh. J'étais dans un monde où la beauté règne à tous les niveaux en harmonie, quoi. Et dans cette harmonie, il y avait une belle présence, il y avait quelqu'un qui était là pour m'accueillir, certainement. Bon, à forme humaine, évidemment. Pourquoi évidemment, je n'en sais rien, mais en tout cas, moi je deviens en forme humaine. Et je me suis dit... à ce moment-là, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis, quoi? Et cette présence n'avait absolument pas besoin de parler. La pensée est toujours précédée d'un sentiment d'amour puissant. Et ça, c'est vraiment une réalité dans ce monde-là. Quand vous voulez discuter avec quelqu'un, vous envoyez d'abord votre pensée d'amour et après vous envoyez la pensée pour transmettre le message, quoi. Alors, je viens de recevoir un SMS. Oui. On a le temps encore, hein, oui, jusqu'à 19h. Oui, me disant les piles de mon sonotone. Mais c'est de la provoque. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes devant le lien où il y a l'image de Vincent qui est en train de parler. À gauche, en bas de la lucarne, vous avez un système qui vous permet de... Il y a un petit haut-parleur. Si vous montez ce haut-parleur avec votre souris, vous entendrez beaucoup mieux. Voilà, oui, parce que jusqu'à présent, et Dieu sait que les personnes sont très très très susceptibles, demandent un son parfait. Moi, je puis vous garantir que le son est parfait. Oui, oui, bon, tout à fait. Voilà. Alors le sonotone, c'était dans la provoque, hein. Oui, oui. Et ben, ça n'arrête pas, oui, c'est bien. Moi, je vais regarder, mais enfin bon. Oui. J'ai des questions à te poser qui sont arrivées, oui. Mais je t'en prie, continue. D'accord, oui. Alors oui, cette belle présence. Forme humaine, oui, certainement. Peut-être que c'est ce que j'attendais, d'ailleurs. Je sais pas. Toujours est-il que la pensée est arrivée comme ça, brutalement, pour me faire comprendre que je n'étais que de passage. Ah. J'étais que de passage, j'étais pas là pour rester, j'étais là pour visiter. Et c'est ce que j'ai fait par la suite. J'ai visité, effectivement, ce monde-là, ce monde de l'au-delà, ce monde de la quintessence. J'ai visité des niveaux vibratoires, parce que tout est vibration dans ce monde-là. Hein, le niveau vibratoire correspond à votre réalité spirituelle, à ce que vous êtes réellement, à la réalité de vos sentiments, quoi. Et donc cet enseignement, ben, cette entité, je sais pas mettre cet être de lumière, entre guillemets, était là pour m'accueillir et pour me dire, effectivement, j'étais dans un monde de la quintessence, le monde je ne comprenais pas parce que c'est la première fois, évidemment, je l'avais entendu parler, évidemment, mais pas à ce niveau-là. J'étais dans cette réalité. Quand tu parles d'être de lumière, c'est l'appellation qui revient dans la bouche de tous. Oui. Alors que la lumière, c'est pas ça du tout. C'est plutôt fluorescent, c'est plus éthéré, c'est magnifique, quoi. Mais alors, cet être de lumière, qui est différent de la lumière. Oui, tout à fait. Il est dans la lumière aussi. Oui. C'est aussi, est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que tu l'as réellement, comment dirais-je, approché? Est-ce que lui t'a réellement approché? Lui ou elle? Oui. Parce que ça reste toujours très ambigu. J'ai rencontré des êtres de lumière. Voilà, oui, tout à fait. Alors la question, je me suis posée, est-ce que c'est moi qui l'ai projeté ou pas? Parce qu'on peut projeter. Exactement. Mais non, parce que, en fait, j'ai même pas été vers cette présence-là. C'est elle qui est venue à moi. Alors, est-ce que j'avais moi un corps? Ça, c'est une question que je me suis posée à un moment donné. J'ai essayé de retrouver dans mes mémoires. Dans le noir, non. Dans le noir, je voyais pas. Peut-être qu'il est occultant, je sais pas. Effectivement, une fois d'avoir pénétré ce voile, enfin, d'avoir traversé le miroir du miroir. Voilà. Là, effectivement, j'étais avec mon corps actuel. Avec mes membres, je voyais, je ressentais. Hein. Alors, l'essence, évidemment. La vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe, tout ça, c'est exacerbé. C'est monté à un niveau tel que c'est incroyable. Et vous pensez, vous ressentez, avec vos pieds, avec vos mains. Tout marche au même niveau, quoi. C'est ça qui est incroyable. Beaucoup parlent d'omniscience. Oui, c'est vrai. C'est un terme qui est très, très utilisé depuis quelque temps. Oui, l'omniscience, oui. C'est un peu ça, quoi, en fait. Mais c'est vrai, c'est très prégnant, c'est-à-dire que c'est très proche, quoi. C'est en vous, quoi. Alors, vous êtes plus dans un corps de matière, c'était une réalité. Vos sens sont développés, je l'ai dit, mais votre regard, il est à 360 degrés, quoi. Et tu as conscience du bloc opératoire, tu as conscience qu'il y a des êtres vivants, en chair et en os, à côté de toi. Est-ce que tu es dans les deux dimensions en même temps? Non. Non, tu es vraiment dans cette dimension-là, voilà. Bien spécifique. Ce qui est étonnant, c'est que j'avais un peu oublié ma présence terrestre d'auparavant. Et ouais. C'est très, très présent que vous oubliez ce que vous étiez il y a quelques minutes, quoi. Et dans quelles conditions vous étiez, quoi. Ça vous prend tellement par tous les pores, enfin, je mets des mots, que c'est incroyablement fort, quoi. Vous n'avez aucun moyen de... C'est dedans, quoi. Allez, je vais être vulgaire. On n'en a plus rien à péter de ce qui se passe exactement. À l'extérieur. On a oublié, involontairement, mais on a oublié, quoi. On ressent ce que l'on est. C'est-à-dire qu'on est dans le sentiment pur d'amour. Ça, c'est une réalité. Mais on ressent ce que l'on est. Hein, c'est-à-dire qu'avec toute votre mémoire, ce que vous étiez dans votre vie terrestre, est avec vous. Dans vos actions, ce que vous avez fait et pas fait. Ça, c'est une réalité, on le sent comme ça. Maintenant, vous n'êtes pas forcément fier de ce que vous êtes, hein. Mais moi, à Emile, je me posais pas trop la question. Donc, j'étais bien, quoi, tout simplement. Avec l'envie de rester ou de repartir? Non, c'est trop bien. On n'a pas envie de revenir. Bon, j'avais un peu oublié d'où je venais. Donc, c'est vrai, j'ai dit, dans ce monde-là, je suis pas dans un rêve. Je veux dire, un rêve, si j'avais fait un rêve magnifique, ça aurait été très bien, mais au bout de tant d'années, on se souvient plus de ses rêves, quand même. C'est trop, trop présent entre nous. Je dis pas, c'est aussi fort qu'un sentiment d'amour vis-à-vis de sa maman ou de son papa, quoi. C'est une réalité, on pouvait pas l'ignorer. Tu parlais de ta maman tout à l'heure, cet être de lumière, est-ce que tu as pu lui donner une identité ou un visage? Est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce qu'il t'a demandé? Est-ce que vous voulez rester? Ou est-ce que tu veux rester? Est-ce que tu veux repartir? Non. Alors, il n'a pas parlé. On ne parle pas par là. Excusez-moi, messieurs, mesdames, mais je lui pose des questions comme elles viennent, parce que on n'a rien préparé ensemble. Non, rien du tout. Non. J'ai lu ton texte, que j'ai trouvé admirable. On va y revenir aussi. Oui. Mais ça vient comme ça, quoi. Parce que les questions, elles doivent être posées comme ça, selon moi. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un naturel. Ou ton être de lumière, je sais pas, ta conscience, ton intuition, enfin cette personne qui t'a parlé, que tu avais bien identifié, je pense, t'a demandé, alors, que tu veux rester ou est-ce que tu veux repartir? Alors cette personne, enfin cette présence plutôt, je me préfère le mot présence. D'accord, ouais. C'est pas moi. Ça vient pas de moi, c'est pas une émanation de moi, c'est quelque chose qui est une réalité qui est en face de moi ou qui est présent en face de moi. je l'ai dit, elle vient vers moi. C'est pas moi qui vais vers elle. Moi, j'ai pas l'impression de bouger. J'ai pas l'impression d'être en flottement. Je sais pas. Je suis là. Je suis là. Après, j'ai découvert effectivement que la pensée effectivement pouvait était un moteur très important pour la suite. Mais elle vient vers moi. Donc elle vient me parler. Elle me parle pas par me parler avec des mots. Bouger la bouche. C'est, je dis, elle a envoyé un message d'amour très puissant avant. Et après, le message est arrivé. Certains parlent de télépathie. Oui, c'est un peu comme ça. Ouais, c'est une image, ouais. Ouais, c'est un peu vulgaire. Quoi. Tandis que tu c'est... écoutes ou tu entends avec tes oreilles. Voilà. Que tu as totalement identifiées, elles sont bien là, bien présentes. Exactement. Tous les sens, comme tu le disais tout à l'heure, sont exacerbés. Exactement. Donc vous la ressentez par tous ces sens-là. Et c'est magnifique, c'est merveilleux, parce que c'est un, je dis, tout ça c'est précédé par un message d'amour, un puissant par un message. Une bouffée d'amour qui vous a envoyé, c'est pour vous amener peut-être à cette conscience et de se remonter à l'état vibratoire où elle est, parce que c'est le problème de la vibration. Moi, je vais parler un peu de les états vibratoires dans ce monde-là. Je veux dire, ça, c'est très important. Est-ce que tu veux continuer cette histoire après, enfin cette aventure? Oui. Hein, et puis après, on rentrera peut-être dans des détails, dans des domaines peut-être plus subtils. Oui, tout à fait. D'accord. Mais j'ai quelques questions à te poser. Oui, vas-y. D'accord. Vas-y. N'oublie pas, hein, de continuer. Oui. Didier écrit, pour avoir vécu cette ambiance de l'opération, je suis certain d'une chose, je n'ai aucune envie de la revivre en pensant qu'il n'y a pas tant d'importance à rassurer les médecins et les proches. Question. Dans quel état d'esprit seriez-vous aujourd'hui si une opération vous était de nouveau proposée? Très bonne question, oui. J'aurais toujours la même angoisse par rapport à l'aspect physique des choses. Mais je serais beaucoup plus serein par rapport à ce qui pouvait se passer. Voilà. J'ai plus d'inquiétude. Vous savez que cette expérience m'a délivré vraiment un message, une attitude vraiment exceptionnelle, enfin, un peu pour ceux qui le vivent, c'est de dire que la mort ne nous fait plus peur du tout, mais alors plus du tout, quoi. Alors voilà. Ça sérieusement, il y a une petite appréhension quand absolument même. Absolument pas. Non. Non, non, non, ça enlève tout. Non, il n'y aurait plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Je pourrais sortir de chez toi tout à l'heure. Bon, me faire écraser par une voiture, ça fera mal sur le coup. Mais en fait, on est très emmerdé pour ceux qui restent. Voilà, hein. C'est ça exactement. Bah oui, ça j'en parlerai après, parce que nous, moi j'ai vu la vision de ce que c'est de l'autre côté, quoi. Ce que c'est la vie terrestre, quoi. Toute cette lourdeur, ces scories, cette rugosité de l'âme qui existe, parce que bon, parce qu'on est humain, on est terrien, quoi. Voilà. T'es rien, mais t'es tout. Voilà. T'es rien et t'es tout. Le cœur semble être ton fil conducteur, Jean-Claude. C'est Didier aussi qui écrit. Cette voie est donc assez douloureusement privilégiée pour nous permettre la connexion avec cette dimension qui redonne l'espoir nécessaire pour poursuivre notre chemin et nous dire que nos peines ne peuvent plus peser assez fort dans le plateau de la balance en regard de ce qui nous a été donné de rencontrer dans le plus beau, le plus grand. Ma grande question va sûrement devoir attendre un peu avec que le fil de ton émission se déroule. Mais le Dieu prié dans l'église, lorsque vous étiez enfant de cœur, est-il à la même image que celui que vous avez contacté? Qu'en est-il de l'esprit du sacré? Est-il aussi accessible que tous les croyants l'ont espéré? Bravo. Costaud les questions de Didier, là. Merci. Hein. Ouais, très bien. Bah, c'est bien. Oui, moi ça je peux y répondre à ça. Non, la question du Dieu imagé ou expliqué ou partagé dans la religion. N'est pas tout à fait la réalité de ce que j'ai pu voir là. Je pense que la dimension dans laquelle l'on est au moment où on pénètre cet état-là correspond à la réalité de ce que vous êtes à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous êtes religieux, effectivement, vous pouvez voir et vivre dans un monde religieux, de ce côté-là, avec tout ce que ça comporte. Et si vous êtes moins religieux, mais aussi spirituel, vous avez la même chose, mais d'une autre façon. Voilà. Mais n'empêche. Et Géraldine de commenter. Mais c'est vrai, comme tu n'étais pas là hier, mais c'est vrai, Géraldine, je viens d'y repenser. Décidément, en deux jours, tes deux invités parlent de sortir de chez toi et de mourir. Es-tu ennuyé à ce point à mourir? Ouf, je suis désolé, mais celle-là, je pouvais pas la laisser passer. Oui, non, très bien. Mais non, il est pas du tout ennuyé à mourir, non, au contraire. C'est quelqu'un d'être très attachant, ça, je peux vous le dire. Alors oui, donc je vais revenir un peu dans ce monde-là qui était, ce monde de la quintessence. Alors. Cette présence magnifique qui me parlait, enfin qui me transmettait un message, qui me disait simplement que j'étais là pour visiter les états. Et non pas j'étais de passage, quoi. Pourquoi, je n'en sais rien aujourd'hui, je peux pas me poser la question encore, je me suis la posée pendant 14 ans. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi pourquoi moi, pourquoi pas d'autres. J'en sais rien. J'en sais rien. Si peut-être, une question, c'est Dominique un peu qui me l'a suggéré, mais il veut dire un peu vrai, c'est que je suis peut-être capable d'écrire et de transcrire la réalité de ce que c'est réellement, quoi. Voilà. Peut-être que dans l'écriture de ce que j'ai écrit là, si vous un jour vous le lisez, hein, ce que je souhaite à tous, c'est que vous comprendrez peut-être vraiment ce que c'est ce monde-là. Donc l'expérience, tu continues. Voilà. Il y a eu un final à un moment qui a fait que tu as réintégré ton corps. Oui, bien sûr. Ton corps physique. On est déjà à la fin là. Non. Non. Encore une heure et demie. Ah bon, parce que là il y a une grosse matière à dire. Hein. Ouais. Mais bon, oui, là évidemment la descente, la redescente, veut dire. C'est un mot qui est un peu galvaudé. C'est pas tout à fait une redescente, c'est un changement vibratoire, voilà, pour mettre le mot dessus. Hein. Alors, ça c'est très douloureux quand même, parce que l'envie de partir, évidemment, pas question. On est trop bien. C'est majestueux. Enfin, c'est comme si vous allez, vous sortez de chez vous et vous allez dans un froid glacial où il y a une pluie incessante, où il fait chaud. Enfin bref. La question t'a été posée. Tu veux rester ou tu veux repartir? Oui ou non? Non, la question m'a pas été posée. Je l'ai dit au début, je suis là de passage. Ils me l'ont fait sentir. D'accord. Ils m'ont fait ressentir. Je suis de passage. Je suis là pour, comme visiteur, observateur, afin de transcrire peut-être quelque chose, au bout du compte. De pouvoir écrire ce que j'ai vécu et de partager avec beaucoup de gens, afin d'enlever les angoisses et les torpeurs qui existent par rapport au problème de la mort et de ce qui se passe après. Et c'est un peu dans ce sens-là que j'ai décidé. Je me suis fait violence pour écrire, pour dire tout ça. Parce que c'est vrai qu'il fallait que je délivre ce message pour soulager. Et moi, mon but, c'est de soulager, rien d'autre. De dire que la mort, c'est rien. Même si elle est vécue douloureusement par certains, parce que la maladie, c'est quelque chose qui fait mal. Ou la mort violente, qui est extraordinairement difficile. Est-ce que je peux vous dire que quand une mort naturelle est là, l'âme, enfin, la conscience, est déjà à moitié partie. Vincent. La fin de l'histoire, non pas de l'après, mais la fin de l'avant, c'est-à-dire entre ce qu'il y a eu avant et puis l'après. L'après, il va nous rester une heure pour en parler. Oui, d'accord. On a largement le temps d'en parler. Tu décides de revenir donc ? C'est toi qui décides ? Oui. J'avais autre chose à faire. Enfin, j'avais des choses à faire. J'avais cette conscience-là. J'avais quand même une famille qui était là, qui attendait. J'avais aussi reçu ce message, enfin cet enseignement pour le partage et pas autre chose, quoi. Moi, je cherche pas à convaincre. J'explique. Et j'essaie de mettre des mots sur ce que j'ai vécu. Et les gens vont peut-être le lire, j'espère. Ils vont certainement comprendre beaucoup de choses. Ils vont comprendre ce que c'est réellement la mort et ce qu'il y a de l'au-delà. Il n'y a pas de connotation religieuse. J'ai volontairement évité ça. Tu reviens donc. Voilà. Tu reviens. Je reviens. Voilà. Ouais, je reviens. Alors c'est lourd. Tu te souviens dans quel état tu es lorsque tu reprends conscience, si j'ose dire, oui. Alors que tu es endormi. Oui. Donc tu reprends conscience toujours dans ton sommeil artificiel. Oui. Tu reprends lorsque tu te sors de cette narcose. Hein, enfin, tu en parles autour de toi? Alors, j'ai expliqué mon retour. Oui. C'est bien de le savoir parce que c'est vrai que moi je suis revenu dans un monde terrible, quoi. J'avais l'impression d'être ébloui par une lumière froide, terriblement froide. En fait, c'était le flot, le néon qui était au-dessus de moi à 3 mètres que je trouvais vraiment en face de mes yeux. Et puis, en fait, ce qui est étonnant, c'est que les premiers sens qui reviennent, c'est l'ouïe. Alors, il y a une chose que je suis pas sûr aujourd'hui, mais ça, je demande quand même, je vais essayer de retrouver ça, c'est que j'entendais quelqu'un qui disait, c'est une infirmière qui disait au pauvre bonhomme qui était, je pensais à côté, mais je pense que c'était dans une autre pièce, qui disait, mais mon pauvre monsieur, vous avez une gangrène, on va devoir vous couper les jambes. Ça, c'est les premiers mots que j'ai entendus. De tes oreilles de vivant. De vivant, voilà. Voilà, ouais. Et le deuxième, c'est là j'étais vraiment, je sentais de plus en plus qu'il y avait le tube respiratoire, là, qui est très, très désagréable d'ailleurs. Et en même temps, j'entendais le pauvre bonhomme à côté de moi qui était en train de faire un arrêt cardiaque. Quoi. Donc qui râlait et qui était en train de mourir, tout simplement. Tu n'as pas eu de trachéotomie, non? Ah, pas du tout, non. Jamais, non. Non. Donc voilà dans quelle ambiance je suis arrivé. Et cette lumière froide, cette personne qui parlait de supprimer ses jambes, et puis et l'autre qui râlait parce qu'il était en train de mourir, quoi. Mmh. Je dis, ça y est, je suis retourné dans la matière. Oh, c'est bon. Bordel. Bienvenue sur Terre. Bienvenue voilà, sur mais Terre, c'est oui. vrai. Voilà. Ouais. C'est comme ça, et ça m'a fait mal. Parce que j'étais conscient de ce qui s'était passé juste avant, quand même. J'avais cette lumière, mais qui correspondait plus rien du tout, quoi, à ce que j'avais vu, quoi. J'avais cette lumière, ce néant qui me brûlait les yeux. À travers les paupières, quand même. Oh. C'était bizarre, quand même, de voir ça. J'avais les yeux fermés, mais je voyais que ça brillait, quoi. Et c'est une lumière froide, et non pas ce que j'avais prévu, prévécu avant, quoi. Donc, ce que tu vis, tu le gardes pour toi pendant oui. 14 ans? Non. Non? Ou tu en as parlé? Alors, justement, ma mère. J'en ai parlé. Avec ma l'équipe mère. Médicale, est-ce que tu leur en as parlé? J'ai dit, oui, je l'ai dit que j'avais fait un truc incroyable. Ouais. Je fais un voyage pas possible. Alors, ils ont évidemment rigolé, pas rigolé, mais ils ont souri. Ils sont très respectueux quand même. Oui, bon. Ils mettaient ça sous le compte des neuroleptiques, certainement, des produits anesthésiants. Et puis, plusieurs fois, j'ai fait des tentatives pour expliquer ce que j'avais vu. J'avais, à ce moment-là, vraiment la mémoire, ouais, comme si j'étais encore dedans, quoi. Vraiment, j'étais... Bon, ça, c'est très douloureux, d'ailleurs. En dehors de la douleur physique que fait la coupure, ben, la cage thoracique ouverte, hein, que ça fait très mal, quand même, ça. Et cette douleur-là qui était là, mentale, dans ma conscience, qui me disait, mais tu étais dans ce monde, tu es redescendu dans la matière, quoi. Dans cette lourdeur qui fait mal, quoi. Et c'est vrai. Mmh. Est-ce que tu souffres? Aujourd'hui? Physiquement. Ah non, pas du tout, non. Non, je reviens à 1999 au mois d'octobre. Oui. Tu souffres physiquement? Ah oui, c'est terrible. Ça fait très mal, ça. Mmh. Et j'ai refusé les sédatifs? Oui, les sédatifs, la morphine et tout ça. Je me suis dit, peut-être que si j'en prends pas, je vais guérir plus vite. C'était vrai, d'ailleurs. C'est vrai. En bout de 3 jours, j'étais sur pied. Hein. Donc, comme si de rien n'était, mais j'avais beaucoup moins mal et je me baladais dans les couloirs avec mon déambulateur, enfin, mon je sais pas comment on appelle ça. Le trépied avec l'appareil qui permet de faire les injections. Enfin bon, c'est très médical tout ça. Hein. Oui, tout à fait. Bon, oui, le trépied, avec le sérum. Voilà, exactement. Voilà, et j'en ai pas parlé tout de suite. Qu'est-ce qu'on a l'air con quand on se trimballe comme ça dans un couloir. Oui. Mais quelle joie de pouvoir marcher. Ah oui, mais tout à fait. C'est une renaissance, hein, je trouve. Mm-hmm. Vraiment, quoi. On est content. Ça y est, c'est passé, quoi. Mais pour moi, c'était pas passé, quoi. Pour moi, j'étais encore dans un déséquilibre d'enfer. Je veux dire, je comprenais pas. Putain, je venais d'un monde extraordinaire avec tout ce que ça comporte. Et puis, je me retrouvais dans une limitation, enfin, une physique limitée où les formes, les courbes, les couleurs, tout ça, c'est très pâle par rapport à cette réalité. La lumière est agressive. Enfin, bref, il y avait beaucoup de disparités comme ça qui me faisaient quand même souffrir, quoi. J'étais pas en équilibre avec ce que j'avais vécu juste avant, quoi. Une question qui vient à point là, vraiment dans l'instant. Douze de Valeur écrit, ressentons tout de même une forme de privilège, entre guillemets, hein, oui. Surtout quand on reprend contact avec la matière. Oui. Alors là, cette question, évidemment, elle est très présente. Je veux dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi moi j'ai vécu ça alors que j'avais vu d'autres opérations ailleurs et personne n'avait parlé de cette possibilité d'expérience de mort imminente. Bon, je savais pas que ça pouvait exister. Hein. J'avais pas été chercher cette information-là. Donc je me suis dit, c'est incroyable, c'est mon imaginaire qui a voyagé d'enfer, quoi. C'était qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et des fois, j'en pleurais parce que j'étais mal. Je me trouvais le soir seul dans la chambre, là. J'avais mal, déjà, physiquement, c'était pas facile. Surtout quand l'infirmière vient vous nettoyer la plaie, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais en plus, intérieurement, c'était très douloureux. Je ressentais, en plus, oui, c'est vrai, j'ai des capacités qui se sont développées depuis. Je ressentais la difficulté qu'avait l'infirmière par rapport à ce qu'elle était elle-même. Je ressentais un mal-être en elle, quoi, qui me gênait beaucoup, quoi. Je dis, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce que je fais là, quoi? Donc, j'ai eu du mal à revenir, quand même, hein. Est-ce que ce que tu as vu, ce que tu as entendu, avec des yeux et des oreilles un peu différents, est-ce que tu l'as mis en pratique justement pour dire cette souffrance, bon allez, je l'accepte. Oui. Je ne la refuse pas. Non. Je sais qu'elle est... Non. Elle est là. Elle est là, voilà. Je fais avec. Voilà, je fais avec. Et c'est Mazo jusqu'à ne pas vouloir accepter de prendre des calmants ou des choses comme ça. Comme si cette souffrance. Non, parce qu'on m'a dit. On m'a dit que physiquement, moins tu prends de médicaments, bah, dans ce cadre-là, pour morphine, pardon, plus tu as des chances de guérir, de ressurgir plus rapidement, quoi. D'être mieux plus rapidement. Bon. Je sais pas si c'était vrai ou pas. Je l'ai fait. Évidemment, c'est très douloureux. Je peux vous dire que quand on vous nettoie la plaie et que vous n'avez pas la morphine qui est là pour calmer le truc, vous hurlez. Et j'ai hurlé. Quitte à presque à frapper le lit, va me défouler, quoi. Parce que c'était tellement difficile. Mais je refusais quand même. J'ai dit, j'allais au bout de ce que j'ai décidé, quoi. Après tout, on verra bien. Maintenant, je suis pas mort, je suis vivant. Il peut plus rien m'arriver, maintenant. C'est drôle parce que ce que tu viens de dire maintenant m'amène à la question qui, moi, me taraude depuis des années. On parle d'expérience de mort imminente. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier parle plutôt d'expérience de mort provisoire. Oui. On sait maintenant les progrès qui sont faits en médecine, dans les services de réanimation, pour ramener des gens à la vie. Mais c'est simplement ce qui me chagrine depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est ce mot mort qui me gêne. Oui, tout à fait. Tu es vivant. Bien sûr. Tu n'es pas mort. Non. Tu as vécu une période de coma. Exactement. Tu as eu une expérience qui était personnelle. Oui. Est-ce que ce mot mort à toi te gêne ou pas? Oui, tout à fait, parce que je pense que pour l'avoir vécu, ben, de l'autre côté, vu ce que c'était la mort réellement, ouais. La mort c'est un non-retour. On est d'accord. On est mort. D'ailleurs, tu écris, attendre que la mort survienne pour découvrir ce qui se passe, c'est se priver de la beauté du voyage. Exactement. C'est vrai. C'est vrai que l'instant de mourir, j'ai écrit ça, l'instant de mourir, c'est un moment, je pense que je souhaite à tout le monde de le vivre bien. Ce qui est déterminant pour ce qui va se passer par la suite. Même si vous êtes dans la douleur, même si vous êtes dans la chagrin, même si vous êtes dans la anesthésie à moitié par le cerveau, par les produits, essayez à la mesure de votre possible de bien vivre ça. Je peux vous dire que la mort, c'est quelque chose de glorieux et de lumineux. Voilà, ça c'est une réalité. Mais pourquoi utiliser... Oui. Je reviens sur la question, oui. Non pas pour essayer que tu me donnes une explication, moi je l'ai cette explication, mais ce mot mort me dérange, parce que d'une part il est vendeur. Oui. Le mercantilisme est apparu depuis quelque temps. Tu n'es pas mort. Non. Tu as vécu... une expérience, je dirais, de vie au contraire, de super-vie, de supra-vie. Supra-vie. Et non pas de mort. Tout à fait. Donc tu es bien d'accord avec moi? Tu me dis si tu n'es pas d'accord. Oui, es-tu oui. d'accord avec moi plus exactement? Oui. Là, c'est la façon de manipuler. Oui, oui. Non, je ne suis pas manipulateur. Tu as vécu une expérience. Oui. Tu n'as pas eu de certificat de décès. Absolument pas. Est-ce que tu as eu accès à ton dossier médical? Est-ce que tu as pu avoir des électroencéphalogrammes, oui, des électrocardiogrammes? Oui, bah oui. Oui, oui. Forcément. Oui, oui. Bah, à aucun moment, tu n'es déclaré mort. Absolument pas. Nous sommes d'accord. Non, je ne suis pas mort. Comme on dit dans le BA, je ne suis pas mouru. Non, je n'étais pas mort. J'ai vécu, je pense, une expérience de conscience hors du corps. Voilà. Hors de la matière, un état vibratoire éthéré, je veux dire, dans les hautes sphères de l'état. Je veux dire, j'ai pas d'autres termes, c'est vrai. Je n'étais pas mort. Mon corps était vivant encore, enfin, sur la table d'opération, même si le cœur s'était arrêté, il était vivant. C'est quand même génial, surtout d'être en bloc opératoire avec des chirurgiens qui sont spécialisés dans le cœur, je veux dire. Bon, oui. Voilà, tu vois. Oui, tout à fait. Donc, c'est bien parce que tu fais avancer le schmilblick en ce qui me concerne. Oui, je comprends. En ce qui me concerne, tu vois. Non, on n'est pas mort. Et Jean-Jacques Charbonnier a raison de dire, la mort provisoire. C'est pas la mort, c'est juste avant. Enfin, c'est un état où on est juste avant, quoi. Alors, un état qui m'a permis, effectivement, d'aller visiter l'au-delà. C'est vrai. Bon, je vais y revenir tout à l'heure. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça, mais bon... Ils n'attendent que ça. Absolument, mais on va les faire un peu... Oui. Non, il faut parler des choses sérieusement, dans le sens où, effectivement, la mort n'est pas une mort. On va dire, c'est que nous, un expérienceur vit, même si peut-être qu'il y en a qui, dont la mort clinique est constatée ou la mort cérébrale est constatée. Il y en a eu. Bon. Très, très rare, oui. Mais il y en a eu. Moi, c'est ce que je leur demande à tous. Oui. Ok. Vous dites que vous êtes mort. Ok. Certificat médical. Oui. Je comprends, oui. Mais de la véritable mort, de la exactement. Mort telle qu'elle est clinique. Voilà. Ouais, c'est-à-dire électroencéphalogramme plat, électrocardiogramme. Voilà. Enfin bon, faut quand même revoir un petit peu tout ça et ne pas faire rêver les gens, quoi. C'est ce qui m'ennuie, là, depuis un an et demi, deux ans. Oui, oui. Comme si, de l'autre côté, c'était vachement mieux. Oui. Autrement dit, si vous voulez, on va mettre les armes à feu en vente libre, hein, puis oui. Flinguez-vous. Oui. Non. Parce qu'il y a aussi des expériences dont on ne ressort pas intact, non. Dans le sens négatif aussi. J'en connais. Ce qui m'amène à cette question de Thierry qui dit, vous dites que vous étiez avec vos quatre membres au sortir du noir. Oui. Est-ce que d'après vous, une personne handicapée, se retrouve dans son misérable état à ce moment? Avez-vous déjà entendu un témoignage dans ce sens? Intéressant de parler, oui. Parce qu'il y a des personnes aveugles. Bien sûr. Qui ont vécu aussi des expériences. Ben oui. Alors qu'elles ne voient pas. Alors, faut se rappeler que on n'est pas dans un corps de chair, là. Donc, le handicap existant sur Terre n'est plus du tout dans ce monde-là. C'est-à-dire, on est comme on est, je veux dire, avec une forme humaine certainement, parce que c'est peut-être une projection de moi-même, hein, ou la projection de ce que je suis réellement. Maintenant, l'aveugle, effectivement, la personne qui ne voit pas sur Terre va voir, évidemment. Parce que on n'est plus dans un corps de matière. Donc les défauts ou les ne sont plus là, les aptitudes sont là, mais voilà. Le handicap n'existe plus. Absolument pas. Hein. Absolument pas. Une personne qui est amputée des jambes, par exemple, à qui c'est arrivé des expériences comme celle-là, ne voit pas du tout qu'elle n'a plus de jambes. Exactement. Elle retrouve son corps. Exactement. Comme tu disais. Voilà. Oui, voilà. Une autre question. Avez-vous connu d'autres opérations avant, appendicite ou autre anesthésie? Normalement, on est pendant un long moment dans les vapes quand l'anesthésie perd son effet. On ne retrouve pas ses esprits rapidement. Est-ce que vous avez constaté un retour brusque à vos facultés mentales ou est-ce que l'esprit vous est revenu petit à petit, comme après une opération normale sans NDE? Oui. Alors évidemment, les effets anesthésiants restent souvent présents pendant un certain temps. Bon, c'est vrai que je dormais beaucoup, ce qui est normal. C'est une souffrance quand même, cette histoire-là. C'est pas facile pour le corps, mais surtout à ce niveau-là. C'est vrai que je passais mon temps à penser à... Mais il y avait une période de moi, un moment où moi j'étais avec mon cerveau en bascule dans la réalité, dans ce que je venais de vivre. Et c'est ça, cette difficulté-là que je transcris aujourd'hui et qui reste encore aujourd'hui, parce que on peut pas sortir indemne de ça, quoi. On peut pas. Mais indemne, on est bien, je dirais. On ne vit plus mal. Ça, moi, j'en vis très très bien. Je suis là pour partager justement. Sinon, je pourrais pas le partager. Alors, j'essaie de comprendre la question de Douce de Vaeuve de Vialère, qui écrit comme un grand parc à thème dont on fait le choix des investigations ou alors le parcours est guidé. Je sais pas, tu arrives à décoder là, je comprends pas la question. Oui. Oui. Alors, on a le choix d'aller se promener où on veut, c'est ça que ça veut dire? C'est peut-être ça, oui. Hein, ou aller, non, on est guidé. Ben, oui et non. Enfin, oui et non. Parce qu'en fait, c'est la pensée qui projette, en fait. C'est la pensée qui est motrice. C'est la pensée qui décide. C'est personne d'autre. Bon, effectivement, la question m'a été, enfin, la question. Tout est relatif, hein. La suggestion qu'on m'a faite, il m'a dit, on va t'emmener plutôt, le tutoiement est de rigueur là-bas, on va t'emmener dans des états vibratoires différents. Dans les niveaux vibratoires différents. On va descendre au plus bas et on va remonter vers le plus haut. Alors, je dis bien, descendre ou monter, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. C'est des états qui se présentent les uns en fonction de votre état vibratoire, vous montez en vibration ou vous descendez en vibration. C'est à ce niveau-là que je mets l'aspect montée et descente. Voilà. Mais je suis pas arrivé dans ce monde-là et aller me promener là où je voulais, quoi. Non. Il y a un guide. Les guides, ils étaient trois à un moment donné. Dont un copain que j'ai reconnu. Ouais. Hein, qui était là après cette belle présence. C'est en couleur ou noir et blanc? Tout en couleur. Tout en couleur, nous sommes d'accord. Oui. Tout en couleur. Alors les couleurs, elles sont des teintes inconnues. Je veux dire, nous on connaît les couleurs fondamentales, mais là-bas il y en a des millions, des millions. Je veux dire, c'est complètement différent. La couleur, elle est vivante, elle est la vie, la nature, elle est vivante. Enfin, la nature que j'ai pu la voir, là, c'est magnifique. C'est fait de ce que vous connaissez sur Terre, mais c'est magnifié, quoi. C'est magnifié. La vie, elle est présente dans les feuilles, dans les troncs d'arbres, dans l'herbe, dans le, voilà, les courbes architecturales des cités, j'en parlerai après tout à l'heure, elles sont majestueuses, elles sont pas, elles sont dans l'harmonie, quoi. Elles sont dans des, je connaissais pas ces dimensions-là. Vous vous imaginez avec plusieurs dimensions. Bon, nous, on a les trois dimensions qu'on connaît, mais il y en a bien d'autres, quoi. Et tout est un peu comme ça, quoi. Est-ce que tu as un sentiment ou le sentiment d'avoir vécu une expérience un peu en dehors des expériences traditionnelles, j'allais dire, qui se ressemblent un peu toutes? Alors ça, je l'ai compris après. Est-ce que tu as parlé avec Dieu? Est-ce que tu as parlé avec un ange gardien? Oui. Est-ce que tu les as identifiés, ces trois êtres maintenant? Alors, j'ai pas parlé avec Dieu, parce que Dieu, c'est pas une entité en face de vous qui va vous interroger, qui va vous parler. Pour moi, bah, c'est que je l'ai transcrit et compris, c'est que j'étais même voir la source. Hein. Et la source, en même temps, elle est partout en même temps. C'est ça qui est cette particularité là-bas. Dieu, c'est une énergie omniprésente qui vous inonde complètement. Que vous soyez dans les niveaux vibratoires éthérés, mais pas altérés, oui, que dans l'altération, l'absence de Dieu est évidente, mais dans les niveaux niveau de la Terre, par exemple, les niveaux, même dans la matière, elle est omniprésente, cette Je dis à dessein, hein, j'emploie le terme Dieu, qui est un terme générique, mais Dieu donne tout de suite une connotation religieuse, forcément. Absolument, absolument. Or, tu dis, tu écris, à aucun moment, ce dont je vais vous parler n'aura une connotation religieuse. Voilà. Bon, pour ça que le mot Dieu, moi, je mets le tout, la conscience universelle, enfin bref, d'autres diront c'est le grand architecte, enfin bref. C'est pas une entité, c'est une omniprésence, quoi. C'est une énergie tellement belle, tellement chargée d'amour, mais c'est incommensurable, c'est indescriptible, on ne peut pas. C'est peut-être là, Vincent Hamin, que ton message va être difficile à faire passer dès l'instant où tu dis, non, moi, Dieu, c'est pas Dieu. C'est d'un air de dire, bon, j'ai lu un livre il y a quelque temps, on peut pas aller au-dessus de Dieu, quoi. Oui. Donc vos NDE, à vous, c'est du pipi de chat. Oui. On peut pas. Toi, tu ne l'appelles pas comme ça. Non. Et c'est là où je trouve que tu es beaucoup plus, pardonne-moi, dans la réalité de ton histoire et de ton expérience que de parler ce que j'ai lu. À aucun moment, je n'ai lu du roman. Non. Je n'ai pas lu. J'ai lu plein d'amour. J'ai lu. Je donnerai quelques extraits tout à l'heure. Oui. Mais tu fais pas dans le roman, machin, à l'eau de rose, quoi. Non. Hein? Je décris chaque état comme une réalité. Et une réalité par rapport à ce que vous êtes. Dire ça, cet enseignement, c'est un enseignement universel, et je pense que ces mots-là veulent dire quelque chose à certains d'ailleurs, parce qu'il y en a certains qui l'ont vécu. Et je pense qu'on est en résonance avec ça. C'est un enseignement universel qui est lié à chaque état, et j'explique dans ce document qu'effectivement, je mets des mots dessus, en détail. Je rentre en détail parce qu'il faut le faire, et on me l'a demandé de le faire. Et ces mots sont précis. Très précis. C'est très précis et ça veut dire beaucoup de choses. Lorsque tu dis « on m'a demandé le faire », excuse-moi, on se connaît pas, mais moi, depuis des années, je pose la question « on, c'est qui ?» Et qui « on » Ah, bah justement, c'est ces trois personnages, là. Ces trois présences, pardon. Personnage, c'est pas un mot. Ces trois présences étaient là, dont mon ami Baudouin, qui était là, qui était parti depuis très très longtemps, que j'avais connu jeune, beaucoup plus jeune, et avec qui j'avais une affinité incroyable, philosophique. On a échangé beaucoup de choses ensemble, sur des thèmes divers, de toute nature, et jamais on s'est pris la tête. On était parfaitement en accord, quoi. Et en harmonie. Donc il était là pour m'accueillir, hein. C'est quand même lui qui m'a emmené dans les états vibratoires altérés, dans les plus bas, les plus graves, les plus difficiles, les plus sombres. Alors, je dis à monsieur Pierre Lannes, qui vient d'écrire, les coupures publicitaires sont totalement insupportables. Monsieur, si vous aviez l'habitude de nous suivre depuis le mois de septembre 2012, c'est-à-dire depuis le 11 septembre 2012, j'ai répété et archi-répété. Je les trouve comme vous insupportables. D'accord? Donc j'ai répété, archi-répété. Je l'ai encore mis tout à l'heure sur la page Facebook. télécharger gratuitement un logiciel qui s'appelle AdBlock Plus. AdBlock, A-D-B-L-O-C-K. Plus loin, plus. Et vous n'aurez plus d'ennuis avec les coupures publicitaires que nous subissons, que je subis, pour lesquelles je ne suis pas rémunéré. Oui. Hein, je ne touche rien du tout. Alors, c'est insupportable, oui, mais voilà, je vous le dis, vous téléchargez, c'est gratuit, vous allez sur un moteur de recherche, et puis vous verrez que vous n'aurez plus de coupures publicitaires. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous, elles sont insupportables. Voilà, bon. Monsieur Pierre Lannes, est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Alors, je peux donner un petit message à Pierre, que je connais très bien. Que tu connais, oui. C'est quelqu'un de la famille de ma femme, donc c'est son oncle. Pierre, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce qu'il a une grande spiritualité. C'est quelqu'un qui a un parcours très difficile, très compliqué, mais qui est d'une valeur spirituelle impressionnante. Voilà. Donc merci beaucoup, Pierre, de me suivre là, sur ce coup-là. Quoi. Et puis vous verrez, Pierre, une fois que vous aurez installé AdBlock Plus, vous serez plus emmerdé. Voilà, je vous dirais même, ça va même faire en sorte que votre vie privée sera beaucoup plus protégée et que vous ne serez plus suivi à la trace par des logiciels espions, etc., etc. Voilà. Ou alors, c'est ce que je dis depuis pas mal de mois. Si vous avez 150 euros à me filer par mois pour avoir un site, un logiciel Ustream Pro qui évite, moi je vous ai trouvé un système là qui s'appelle AdBlock. Voilà, c'est très bien. Ouais, oui. Ça marche bien, c'est vrai. Et ça marche, tu l'as expérimenté aussi. Oui, tout ça à marche. Fait. Alors, cette présence Dieu, voilà, ce mot, cette entité, oui, moi je pense que c'est pas moi qui ai choisi de le voir ou pas. C'est lui qui s'est présenté à moi. Alors, il s'est présenté de cette forme-là. Peut-être qu'il se présentera autrement ailleurs, je sais pas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est une énergie incommensurable d'amour, que dont vous pouvez même pas imaginer ce que c'est au niveau de l'intensité. C'est incroyable. Ça vous pénètre dans tous les sens, même dans mon corps éthéré, qui n'est pas de la matière. Vous ressentez un bien-être incroyable et surtout une reconnaissance démesurée. Une reconnaissance. Et je parle que c'est vrai que... Et ça, je veux dire quand même quelque chose aux gens qui meurent, qui vont mourir. Bon, on va tous passer par là. Vous êtes accueillis dans ce monde-là comme un héros. Et c'est vrai. Et je pèse mes mots. C'est pas autre chose. C'est qu'il y a... Ça sera pas tambour ni trompette. Mais des gens vont vous accueillir avec acclamation. Et j'étais dans un état où effectivement... L'arrivée se faisait, je peux vous dire que c'était des étincelles d'amour incroyables, quoi. Et de toute beauté. Et vous arrivez dans un monde incroyablement beau, avec une plénitude d'amour incommensurable. Je peux vous le dire, et c'est vrai. Et je l'ai vérifié de l'autre côté. C'est vrai pour toi. Oui, bien sûr, c'est vrai pour moi. Ouais. Bien sûr, je cherche pas à dire que c'est la vraie vérité, non, c'est ce que j'ai pu comprendre et ressentir, quoi. Une respiration musicale pour aborder la troisième et dernière partie de cette émission. Oui, tout à fait. Tu veux bien? Oui. Bah, tu choisis dans ces titres que tu m'as donnés. Moi, je pensais à Sandrine Piau. Ouais, qui est magnifique. C'est le Koum Koum d'Edérit. Ou alors notre ami commun Frédéric Delarue. Comme tu veux. Non. Pagny, je le garde pour la fin. Ouais, il y a aussi la prière de Dante qui est magnifique. Lorena McKennitt. Ah, qui est extraordinaire, oui. Je peux en parler, ça, vite fait? Oui. Moi, ça m'a basé... d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller sur YouTube, je vais pas faire de la pub, mais j'ai fait une vidéo, justement, parce que c'est lié à la prière de quelqu'un que j'ai ressenti et vu, qui était un suicidé. Et ça, en fait, c'est la prière d'un suicidé pour moi. Et j'ai transcrit une vidéo, vous verrez, la musique est magnifique, mais les images, elles sont assez prenantes. Je pense que vous allez ressentir de très belles choses. Ah, puis Lorena McKennitt. Magnifique. La prière. Oui. Non, là c'est Dante's Prayer. Voilà. All the paths were overgrown. When the peace of my say there is no other way, I tilled the sorrows of stone. I did not believe because I could not see, though you came to me in the night. When the dawn seemed forever lost, you showed me your love in the light of the stars. Cast your eyes on the ocean, cast your soul to the sea. When the dark night seems endless, please remember me. When the mountain fell before me, by the deep well of desire, from the fountain of forgiveness, beyond the ice and the fire. Cast your eyes on the ocean, cast your soul to the sea. When the dark night seems endless, please remember me. Vous écoutez et regardez la web TV Étoile du Cœur en suivant les étoiles jusqu'à 19h avec Vincent Hamin qui est l'invité de cette émission un petit peu plus longue que les autres. Vincent, est-ce que tu peux... Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à parler, il y a beaucoup de choses à expliquer. Et lorsque tu reviendras à Paris, on pourra rentrer encore un peu plus dans les détails. Absolument, hein. Oui. Châteauroux, oui. Paris, c'est pas très très loin. C'est rien, c'est 2h15 de train, donc c'est rien du tout. Alors j'ai quelques messages qui sont arrivés. Douze de Vialère-Exy écrit « Les infirmières comme mon épouse se sentent désarmées devant cette question de leur patient en fin de vie. Que pourrait-elle leur dire pour les rassurer ?» Effectivement, bon, c'est une question que bien souvent. Alors moi, j'acte aujourd'hui dans l'accompagnement de personnes en fin de vie et j'ai souvent été confronté dans les récits que les accompagnants font. Et je pense que Luc Châtel, qui en fait partie, en a été confronté à cette question qu'est-ce que je vais devenir au moment de mourir, quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai peur. Je suis angoissé. J'ai peur. Alors moi, la question, à cette réponse, je dis, mais ne vous inquiétez pas, la mort est lumineuse, elle est glorieuse. Et ça veut tout dire. C'est-à-dire, vous partez, vous sentez partir, c'est une réalité. Vous n'avez pas conscience de quitter votre corps. Vous basculez d'un état à un autre, d'un état vibratoire, je reviens sur le thème vibration, mais c'est vrai, c'est une réalité. Ben, c'est comme ça que on le ressent. D'un état à un autre. Votre âme, au moment de... Ben, votre conscience, plutôt, ben, je bascule entre les deux termes, hein, on va dire, la conscience, maintenant, a déjà entamé son départ quelque temps avant. C'est pour le moment de la mort où elle se détache complètement que votre conscience est déjà en partie dans votre éternité. Elle est déjà en partie. Simplement pour s'adapter à son nouvel environnement, à son nouvel état. Hein. Donc c'est pour ça que je dis la mort est glorieuse et lumineuse, parce que de toute manière, au moment de mourir, au moment vraiment là où la rupture se fait, vous basculez dans une lumière incroyable. Je l'ai pas vécu comme ça. Moi, je suis pas mort, effectivement. Mais je l'ai vu. J'ai vu les gens dans la vibration terrestre le faire. Comment ça se passe, quoi. C'est un moment magnifique. Et l'arrivée, c'est vraiment le moment de gloire. Et pour ça que je parle de gloire, parce que vous êtes accueillis comme un héros. Vos familles, vos défunts vous attendent, mais vous pouvez pas savoir à quel point cette liesse, cette joie qui est là, qui est omniprésente, et surtout chargée d'amour. Et c'est ça qui est incroyable. Et tu en parles avec ton ami que tu n'avais pas revu depuis... Voilà, exactement. Ah, ouais. Exactement. Il était là, donc. Baudouin, oui, il était là, oui. Et donc, ce qui veut dire au-delà de la mort... Oui. Ce que tu viens de dire, que tu viens de confirmer, oui. Au-delà de la mort, ceux qui nous ont aimés, ceux qui nous aiment encore, qui veillent sur nous, oui. Je le pense aussi, oui. Qui veillent toujours sur nous. Absolument, oui. Moi, il me tente qu'un truc, c'est que je sais que la première personne que je vais retrouver, c'est mon père. Bien sûr. Je sais que ça en fait chier certains, mais oui. je vais le retrouver forcément. Oui. Forcément. Oui. Ça ne veut pas dire que je suis pressé. Hein, non. Mais forcément. Alors, méfiance avec ça, parce que c'est vrai que je vais délivrer des messages de joie et de bonheur. Ils ont tout le temps. Hein. On a le temps. Vous prenez aussi. Le temps de vivre sur Terre quand même. C'est parce que c'est déterminant de ce qui va se passer pour la suite, quoi. C'est très important ce que je dis. C'est vrai. Alors, moi, on en parlera après pour finir. Hein. Je crois que ça sera mon mot de fin, mais je veux dire, je vais vous parler d'amour beaucoup et de spiritualité parce que c'est vrai que seul face, enfin, je peux dire, l'avenir de l'homme n'a pas d'autre choix que de créer sa propre spiritualité. C'est une réalité. C'est ça qui va vous emmener de l'autre côté. Et vous faire voyager dans les états qui correspondent le mieux. Et c'est là où ce manuscrit, tapuscrit, comme on l'appelle maintenant, est extraordinaire parce que de tout ce que j'ai pu lire, et j'en ai lu des livres, et j'en ai reçu des confidences, et j'en ai reçu des témoignages depuis bientôt 1985, voilà, ça fait quand même quelques années, j'en ai animé des émissions sur différentes radios pour parler de ce sujet. Ce livre, à venir, oui. Me rappelle étrangement une femme que tu n'as jamais rencontrée, qui s'appelle Alexis Ambre, qui avait écrit un livre extraordinaire, sorti en 1999. Tiens, regarde, encore, 1999. Oui. Et je crois me souvenir qu'elle l'avait écrit au mois d'octobre 99. Ah. Je te le montrerai, il est là-bas. D'accord. Qui s'appelait « Qui dit que la mort est une fin ?» Exact. Et Alexis Ambre a été déclarée morte pendant 3h20, certificat médical à l'appui. Elle l'a vécu. Oui. Bon. Toi, tu as vécu une étape transitoire, je vais dire. Oui, oui. Mais ce manuscrit que j'ai lu change de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Oui. Tu parles pas des petits oiseaux, des trucs, des machins. Non, tu vois, c'est aimez-vous les uns les autres, mais c'est tellement évident qu'on doit s'aimer les uns les autres. Oui, bien sûr. D'où s'écrit ton invité est d'une réelle présence. Merci. Quand est-ce qu'il prévoit l'édition de son livre? Comment pourrait-on en être prévenu? Ah. Oui, on va en parler tout de suite, ce bouquin. Oui, effectivement. Bon, alors, il s'appelle comment? Et quel titre? D'ailleurs, ça a été un peu compliqué pour le trouver parce que, mais, ce qui est sûr, c'est que une résonance est venue souvent, c'est une phrase que j'ai compris tout de suite quand je suis rentré dans ce monde-là. C'est un pas dans l'éternité. Voilà. Ça, c'est un peu son sous-titre. Mmh. Et son vrai titre, c'est Mémorandum de l'au-delà. C'est ma mémoire. C'est sympa, mémorandum. Hein. Bah oui. Ou mémoire. Mémoire de mémoire. Oui, mémorandum, je sais pas pourquoi, mais mémoire, voilà. Mais un pas dans l'éternité, beaucoup plus juste. Quoi. On en recausera. Oui, oui, tout à fait. Parce que je me suis engagé, mais ça, oui, on parlera hors antenne. Donc, je me suis engagé à te chercher des éditeurs. Je connais un peu le milieu même, et je sais ceux qui vont être intéressés et ceux qui le feront. Bien sûr. Tout dépend. Si tu veux faire du fric, je te donnerai un ou deux éditeurs. Non. Alors là, Moi, je te parle comme ça. D'accord, t'as raison, hein, Jean-Claude. Même de l'autre côté de la caméra. Moi, je le dis, je l'ai toujours dit, si j'ai un jour, je devais écrire quelque chose, et ce qui est réel aujourd'hui, et il est bien avancé d'ailleurs, hein, automatiquement, les droits d'auteur ne seront pas pour moi. C'est pas ça, ça m'est interdit. Ça m'est absolument interdit. D'accord. Je ne peux pas comprendre ça. D'accord. Moi, je donnerai à des associations caritatives ou bien d'autres. Hein. Par exemple, je pense que j'aiderai aussi Monsieur Carton qui est juste en face de moi parce que je crois qu'il... J'ai rien demandé. Non, mais il a besoin. Je crois qu'il a besoin de soutien à ce niveau-là. Je pense que vrai. Germaine, tiens, tu es là, toi, de Clermont-Ferrand. Oui. Nous écrit, je vous écoute, vous parlez de la mort avec amour, mais la mort reste quand même quelque chose de très dur. Oui, bien sûr. Pour les autres. Pour ceux qui restent, oui. C'est une véritable douleur. Le deuil, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est une absence terrible, totale, complète, qui est très prégnante, très présente, très pour ceux qui l'a subi. Et c'est vrai qu'on subit un deuil, on subit la mort pour ceux qui restent. Moi, en ce sens que c'est vrai que je peux dire, je favorise le départ. J'aide au passage. Pour moi, c'est pas anodin, parce que je sais. Même si je vibre en amour, parce que c'est vrai que l'accompagnement se fait avec de l'amour et pas autrement. Je reviens sur le terme amour, on va revenir souvent, mais je suis désolé, mais j'ai pas d'autres mots à mettre dessus. De toute façon, Germaine, il n'y a pas d'autre solution. Oui. Arrêtons de pleurer sur nous. Voilà, exactement. Ta maman, qui est aussi la mienne. Oui. Là, je balance quelques confidences, Oui. Moi, ça m'a pas étonné qu'elle parte, point. Voilà. C'était dans son trajet de vie. Voilà. Et puis, elle a retrouvé papa, maintenant. Exactement. Voilà, c'est tout, faut se dire. C'est merveilleux. Prends-le comme ça. Exactement. Prends-le comme ça. Je pense à Pierre, à sa maman qui nous a quittés il y a pas longtemps. Elle est heureuse, magnifique. Monique, elle est extraordinairement dans un monde extraordinaire. Elle est partie depuis longtemps, on était d'accord, puis on en avait discuté de tout ça. Elle était partie quelques temps avant. Son âme avait déjà fait un aller-retour plusieurs fois, quoi. C'est vrai. La mort, c'est quelque chose de douloureux pour certains, c'est vrai, pour ceux qui restent, parce que c'est atroce. Il y en a qui se retrouvent seuls. Je pense à Jean-Claude, Josiane est partie, terriblement. Je pense à sa fille Christine qui crie, je veux des signes, je veux des signes. Oui, Christine, tu en auras. Mais, les morts peuvent effectivement se rapprocher de nous. Il faut savoir que c'est pas forcément évident comme ça, parce que c'est question encore vibration. Hein. Il faut redescendre dans un état de lourdeur. Christine, ne dites plus jamais « je veux des signes ». Je dis, les signes viendront. Ça, je peux te l'assurer. Bien sûr, forcément, obligatoirement. Voilà. Alors, et ce que je dis, il faut s'élever pour ça. Il faut s'élever en spiritualité pour comprendre certaines choses. Mais tu concèdes aussi que ces signes que nous attendons tous. Oui. Il en est, certains d'entre nous, pour lesquels ces signes viennent très rapidement. Absolument. Et d'autres, il faut attendre des mois, parfois des années. Des années. Et généralement, on s'y attend pas. Alors lâchez l'affaire. Voilà. Ils vous feront signe. Tout à fait. Ou alors ils vous ont déjà fait signe, mais vous n'étiez pas prêt. Voilà. Ne pas être dans l'attente à tout prix d'un signe. Voilà. Voilà. Bon, j'ai l'air d'un vieux con quand je dis ça. Moi, je pense à Béatrice, son copain Fabrice, qui est parti suicidé malheureusement et qui a souffert de ça. Béatrice, elle a l'amour incommensurable pour Fabrice. Je trouve ça magnifique. Je dis, tu sais, Béatrice, la seule chose qui peut l'aider, et les suicider, c'est vrai, je les ai rencontrés de l'autre côté, c'est l'amour. L'amour que vous avez pour eux. Exact. Ne les oubliez pas. Exact. Ne les oubliez surtout pas. Je sais qu'on les oublie pas, mais il y en a certains qui sont partis trop durement. Et on vaut mieux les oublier parce que c'est trop difficile dans le souvenir quand même. Mais faites un effort, passez au-dessus de tout ça. Montez en élévation et ne les oubliez pas. Parce que je peux vous dire que de l'autre côté, il y en a beaucoup qui souffrent de leur oubli. Et c'est dans ce sens-là que j'ai fait cette vidéo, justement, sur YouTube. Et que je dis... est admirable. Admirable. Voilà. Tu avais lu peut-être le livre de Anne Givaudan. Non. Qui a écrit je l'avais eu comme invité. Justement, elle a écrit un livre où elle parle des personnes suicidées. Oui. Je te donnerai les coordonnées. D'accord, oui. Mais il y a ton livre aussi à toi. Oui. Des maisons d'édition, on les trouvera, on la trouvera, oui, forcément. Ben, je fais confiance, forcément, sûr. Forcément, oui. Forcément. Oui. Et si on nous jette par la fenêtre, on rentrera par la cheminée. Exactement, oui. Parce que je suis vachement privilégié de l'avoir lu. Oui, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a des mes amis quand même, expérienceurs de Châteauroux, il y en a quelques-uns. Il n'y en a pas beaucoup sur Châteauroux. Il y en a... j'ai envoyé à certains, oui. Certains ont eu un petit résumé, bon, pas répondu. Peut-être que ça ne correspond pas du tout à leurs attentes, c'est ça, je peux comprendre. Mais bon, ce livre, ce mémorandum, veut dire... je ne dis pas qu'il faut le lire absolument. Je dis simplement, lisez-le, ça va vous soulager, largement. Moi, je le fais pour le soulagement, pas pour autre chose. Hein. Et c'est vrai que ça décrit réellement les états vibratoires, les états dans lesquels la conscience est, ou l'âme est, au moment de mourir et après, et ce qui en sort, et la leçon qu'il faut en tirer, il y a une leçon à en tirer. Simplement, vous allez voir dans la description, et les adjectifs ou les verbes et les mots qui sont mis correspondent à une réalité qui va rentrer en résonance avec ce que vous avez déjà en vous, à l'intérieur de vous, quoi. C'est vrai. Tu écris, bon nombre d'expérienceurs se tournent vers l'accompagnement de personnes en fin de vie. Oui. Non pas pour partager leur expérience, mais pour acter dans l'amour et soulager l'angoisse, la douleur psychique. Absolument. De ce que représente pour certains la mort. Exactement. La mémoire spirituelle de leur conscience hors corps leur permet d'aller au-delà dans le ressenti humain. Des capacités nouvelles surgissent des tons d'ubiguïté, des sensations extrasensorielles de la lecture directe de conscience de l'autre, du ressenti de la présence des disparus et l'absence totale de la peur de mourir. Absolument. Ça, c'est un... Oui, tout à fait vrai. Moi, je suis revenu avec des capacités autres. J'ai dit, bon, j'ai développé une compassion, une empathie démesurée, c'est vrai. Bon, j'en souffre, hein, parce que c'est quand même... Il y a un retour des choses à un moment. Pourquoi tu en souffres ? Ah bah oui, parce que des fois, on n'en veut pas. Mais tu l'acceptes. Ah bah oui, je l'accepte. Oui. Mais j'ai envie que les choses changent aussi. Mais attends. Bah oui, je sais. Il faudra du temps. Il faudra beaucoup de temps. C'est sûr. Alors moi, ce qui m'arrive souvent aussi, c'est ces douleurs-là. Parce que j'ai vrai que j'ai le cerveau partagé. Enfin, je schématise comme ça, mais j'ai la vision de ce monde-là, en même temps de la vision terrestre, dans ma vie de tous les jours. Dans ma vie de tous les jours. C'est un peu une souffrance, quand même, quelque part. Ma compagne me dit, mais t'es encore dans l'au-delà? Je dis, oui, je suis encore dans l'au-delà. Parce que je suis absent. Je suis en régénérescence, comme on dit. J'ai besoin de me régénérer là-haut. Pour reprendre des forces et continuer le combat contre la méchanceté, le combat contre l'apostat, le combat contre le matérialisme qui est outrancier. Aujourd'hui, c'est incroyable de voir autant. Tu veux dire de... que tu as un pied, tu parlais d'un pas pour vers l'éternité, tu as un pied sur terre et un autre pied dans les Exactement, étoiles? Exactement, oui. Et c'est vrai. Je les appelle les étoiles. Hein. Oui, t'as raison. C'est beau. C'est des belles étoiles, hein. Je peux te le dire. C'est magnifique. Et en plus, c'est dans toutes les décisions, même au niveau de ma profession, c'est vrai que je suis dans la direction technique d'un théâtre, chaque décision, depuis ce moment-là, depuis que j'ai vécu ça, est prise avec amour. Chaque décision par rapport à un problème personnel, de relations humaines, toute simple, hein, je dois donner des ordres, faire en sorte que le travail soit fait. Et quand il y a des difficultés, chaque décision est prise avec amour. C'est très difficile à mettre en place, mais ça marche très très bien. C'est compliqué, et je pense que c'est la seule voie aujourd'hui pour cette société qui est en train de s'écrouler. Mmh. Et je le dis, résonance, parce que je sais ce qui va se passer, je ressens, mais il est important pour tout le monde de prendre toute décision, qu'elle soit des gouvernementales de haut niveau. Toute décision doit être prise avec amour, en pensant ce que ça va donner, et le résultat que ça va donner. Je reviens sur le terme d'amour, mais... Je suis obligé. Excuse-moi, mais autrement. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, c'est impossible, évidemment. C'est utopiste. Ben, oui, bien sûr, mais c'est l'utopie d'aujourd'hui sera la réalité de demain. Exactement. Point barre. Ben oui. C'est vrai que amour est un gros mot. Mais ouais, on y a mis beaucoup de choses dedans, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, c'est. Mais pourquoi tu souffres? Ah, je souffre en permanence. Mais alors, tu... parce que je vois la résultante de tout ça. Et tu n'es pas heureux alors? Mais si. Alors, je suis heureux. Explique-moi. Comment peut-on souffrir et être heureux? Ah voilà. Vincent Hamin. Alors, moi, je suis heureux d'avoir fait ce voyage-là. La question qui tue. Je trouve que c'est un moment exceptionnel dans une vie d'un humain ou d'un homme comme moi. Je le souhaite vraiment à tout le monde. Si vous avez cette chance-là, enfin vraiment, pourquoi je ne sais pas, pourquoi je l'ai fait, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que je suis heureux par rapport à ça parce que ça a délivré un message en moi qui est effectivement une confiance aveugle en un avenir radieux et lumineux. C'est indéniable, je veux dire, moi j'ai cette force en moi que j'essaie de transmettre aujourd'hui, hein, par ce moyen d'onde, par les moyens médiatiques, mais aussi par l'écriture. Il n'y a pas d'autre solution de dire que le monde qui va suivre est radieux. Alors ayez confiance en vous surtout, c'est une confiance, rayonnez, et je peux vous dire aussi l'humour, on va reparler d'humour, l'au-delà ça va être vachement triste, très sérieux. Il déconne. Mais pas du tout. C'est... Le père Brune pourrait te raconter, il y a quelques années, on s'est retrouvés ensemble à pratiquer une séance de transcommunication instrumentale à TCI. Oui, d'accord. Et tu as pas pu le rencontrer, j'aurais bien voulu que tu le rencontres, mais bon, laissons François. Absolument, il a d'autres préoccupations. À ce qu'il a à faire en ce moment. Tout à fait. Et nous avons entendu, parce que son frère était décédé, François a accepté totalement le départ de son frère, mais il voulait quand même avoir des nouvelles. Oui. On s'est retrouvés dans la région de La Rochelle, je crois, oui, La Rochelle. Il y avait Henri Vigneault, il y avait le docteur Charbonnier qui était là, tiens. Oui, on était 12 ou 13 personnes. Et à un moment, la question posée, mais que fais-tu? Est-ce que tu bois toujours ton whisky? Oui. Et le frère du père Brune a répondu, avant c'était la bouteille, maintenant je me contente d'un verre. Oui. Mais c'est vrai qu'il déconne à fond là-haut. Bien sûr. Là-haut ou ailleurs. Alors, il faut savoir que c'est une continuité, hein, quand même. Hein. Il n'y a pas une rupture complète d'un environnement à un autre. Il y a quand même beaucoup de ressemblances, beaucoup de similitudes dans le fonctionnement, dans ce que vous allez vivre. Simplement, c'est vrai que on pense à ce côté-là très sérieux, très, alors qu'il y a plein d'humour, plein de rire, plein de blagues, plein de, c'est incroyable comme cette joie de vivre, voilà, elle transparaît à ce niveau-là, quoi. Voilà. Alors Pierre, j'espère que vous l'avez téléchargé, Adblock, hein. Oui. Monique, t'écoute de là où elle est, je ne doute pas qu'elle t'aime. Et je ne doute pas avec son aide que tu devines, que tu deviennes bientôt un vrai chrétien. Waouh. Pierre, oui. Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre. Exactement. Mais il n'y a pas besoin d'être chrétien ou absolument. Catholique ou musulman ou quoi que ce soit. Ah non. Vous savez, l'amour, il n'a pas de religion. Absolument. L'amour, ce n'est pas la religion. Absolument. L'amour, c'est l'amour. Absolument. C'est peut-être même là une religion. C'est oui, tout à fait. Nous sommes d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Peux-tu nous parler, cher Vincent, mon neveu que j'aime, des deux autres présences à côté de celle de ton ami Benoît? Baudouin, c'est pas Benoît. Baudouin. Alors les deux présences, elles sont pas déterminées comme masculin ou féminin. C'est ça aussi, cette distinction. En fait, la distinction du sexe n'est plus la même. Je veux dire, la fémininité ou la masculinité, elle est dans la subtilité. C'est-à-dire, vous le ressentez tel ou de telle forme ou d'une autre forme. Alors, ces deux présences étaient là, évidemment, pour m'aider à visiter tous ces lieux, à m'expliquer certaines choses, quoi. Sans elle, j'aurais pas pu aller dans les états vibratoires dans lesquels j'ai été, je veux dire, dans les plus bas. C'est-à-dire, moi, j'étais dans un état, bon, on va en parler maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, dans les états altérés, là où l'omniprésence de Dieu, l'énergie divine, pardon, est absolument absente, je veux dire. Le manque de lumière, enfin, de lumière et d'amour, c'est redoutable dans ce monde-là. Je le décris très bien dans ce bouquin, effectivement. Je me revois, enfin, je ressens très bien devant une muraille monstrueusement laide, en fait, qui était peut-être une limite donnée à un moment donné. J'étais face à une énorme muraille, voilà. Luisante, suintante, écœurante, tant l'odeur est nauséabonde, accompagnée de la vision d'horreur des scories qui tapissaient cette muraille, sans fin. Je ne sais s'il y a un maître en cet état. Ce que je ressens et vois, c'est l'engluement à la haine, à l'égoïsme. Des scories représentent l'état et le plan de ces âmes. Leur haine alimente sans cesse leur douleur. Ils n'ont d'espoir que dans la destruction de leur âme pour que s'arrête enfin leur avilissement. Cet avilissement induit par la douleur de leur victime réactive en permanence leur réégoïsme. C'est violent là ce que tu as vu. C'est très très violent. C'est très violent. C'est très dur aussi. Ben, je ne vais pas en pleurer parce que moi j'en ai pleuré devant Dominique tout à l'heure quand je l'ai expliqué parce que pour moi c'est revivre ça c'est... Je l'ai en face de moi, là. Bon, je revois tout ça. Hein. C'est terrible de voir cette impossibilité d'aller les aider, quoi. Moi, vous savez, j'ai pas eu compassion, d'empathie. J'ai envie d'aller tout de suite d'aller les aider. Mais c'est l'enfer que tu aurais vu. C'est un enfermement. Un enfermement. Ouais. C'est pas l'enfer. Enfin, je sais pas. Oui, oui, je comprends. C'est un enfermement. Oui, parce qu'il y en a qui ont été au paradis. Voilà. C'est l'enfermement. C'est-à-dire que... Mais c'est pas gay, là, ce que tu as. Non, c'est terrible. Mais c'est un mal monstrueux. Enfin, c'est un maelstrom de d'énergie noire, très rémanente, d'ailleurs. Qui est très dangereuse, hein. J'étais accompagné, moi, j'ai quand même protégé par rapport à tout ça, hein. Les rémanences, elles montent jusque dans les niveaux supérieurs, hein. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui influe sur le comportement des êtres humains, qui vivent actuellement à des incarnés qui sont sur Terre, hein. C'est à ce niveau-là. Est-ce que tu as pu identifier, certaines personnes? Non, pense aux dictateurs, aux tyrans, aux génocideurs. Oui, il y a la présence de ces gens-là. Ça, c'est de ces personnes, enfin, de ces âmes-là, de ces consciences-là. On parle d'âmes, hein. Oui, je vais pas changer. On va parler d'âmes. Ouais. J'ai pénétré dans cette muraille, quand même. J'étais au-delà. J'ai pénétré dans ce monde-là infernal. Je veux dire, bon, j'étais extrêmement protégé puisque j'étais accompagné par ces trois personnes. Ces trois âmes, ces trois présences. Et j'ai pu voir des choses monstrueuses. Alors là, la difformité de l'environnement est telle que ça correspond à rien de ce que vous connaissez. C'est une dévastation complète. Je parlerai des géométries, des formes géométriques qu'on peut trouver de l'autre côté, dans les états éthérés. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a là. C'est complètement une dévastation totale et complète. C'est déjà très noir. C'est très, il y a pratiquement pas de lumière. Ben, vous ressentez une brume qui vous est quand même très, très, qui vous ressentez dangereuse parce qu'elle est très rémanente de noirceur. Et tout ça pendant cette expérience lorsque tu es dans le bloc opératoire de la clinique. Absolument, oui. Alors le temps, ben, évidemment, ça peut être très longtemps ou très rapidement, je sais pas. Alors, je te poserai la question, non pas qui tu, mais. Oui. Vas-y. Tu as le sentiment d'avoir réellement vécu ou est-ce que tu as rêvé? Est-ce que tu as eu une approche? Oui. J'ai expliqué tout à l'heure. Je me suis mis 14 ans pour, un peu moins, maintenant 13 ans, pour expliquer est-ce que j'ai bien vécu cette, ma réalité, cette réalité-là, ou est-ce que j'ai inventé ça dans ma tête, mon conscient, mon subconscient, à imaginer tout un système, un parcours? Non. Le moment où j'en parle, j'ai l'impression de voir la même chose devant moi, mais en image. Quand je te parlais tout à l'heure, et quand je parlais de Dominique tout à l'heure, de cette rémanence, cette sombrité, là, cette horreur, j'avais des larmes aux yeux, parce que je revivais l'instant, quoi. Là, je me maîtrise, parce que bon, je me maîtrise, mais j'ai qu'une envie de pleurer pour eux, quoi. Et je suis malheureux pour ça. Et c'est pour ça que quand je peux rayonner de bonheur, mais par moments, quand je suis dans la réalité terrestre, que je parle de cette différence. Vincent, tu ne peux pas porter toute la souffrance. Mais bien sûr du que monde. Non. Mais. Alors, rayonne. Je envoie rayonne. De l'amour. Ah oui, bien sûr. Hein? J'envoie beaucoup d'amour. Parce ça, que les gens c'est, qui. C'est un passage très dur, très, très. C'est très compliqué. C'est vrai que quand, à la lecture, c'est très lourd. Mais, c'est la réalité. Enfin, ce que j'ai ressenti, c'est ça, quoi. Il fallait que je l'écrive. Et c'est pour ça que je m'attarde pas. C'est vrai, je l'ai dit, je m'attarde pas. C'est un passage, oui. Voilà. Il fallait le décrire. Il faut pas l'ignorer. Il faut pas l'ignorer. Je pense à quelqu'un, Jean-Claude, qui essaie d'imager certainement, il m'a dit, hein, Jean-Claude Bauer. Là. Oui, qui vient de te dire, c'est une surprise, tu penses à lui, et lui vient de m'écrire, dis-lui, Jean-Claude, que je lui ferai la couverture de son livre. Ah, très gentil. On va s'y mettre, tu vas voir, on va s'y mettre. Ouais, très bien. Le livre, forcément, le livre. Alors lui, il veut l'imager, donc il veut, c'est un dessinateur, hein. J'aime beaucoup ce qu'il fait quand même. Je l'attends aussi, prochainement. Et il veut imager, effectivement, les états éthérés. Mais je dis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les états intérieurs qui sont aussi importants et qui sont indissociables de ce qui se passe là-haut, hein, voilà. Donc ça, je lui dis, mais j'espère qu'il, bon, il fera ce qu'il voudra, effectivement. Simplement, il y a, dans ce monde-là, dans cet état-là, altéré à un point, c'est là où effectivement se trouvent, comme tu disais, les despotes, les dictateurs, les tyranniques et des gens qui actuellement œuvrent actuellement dans le mal. Autour de nous, dans l'actualité, ça foisonne à façon. Les gens qui, dans la religion, obligent, dans la manipulation, à croire à des choses qui n'existent pas, ben, qui sont pas, mais par la méchanceté, par le diktat et par la manipulation. C'est tous ces gens-là qui vont se retrouver, qui vont être dans cet état-là. Malheureusement, et c'est pour ça que je souffre pour eux, parce que qu'est-ce que je peux faire? Ne souffre pas, ils auront le retour de bâton. Oui, bien sûr. Non, parce que... Il faut être conscient, et si ça pouvait faire changer les choses, mais mon Dieu... Occupons-nous, ça ne changera pas, Vincent. Bah oui. Non, quand je dis ça ne changera pas, je dis d'une façon très, très affirmative. Oui, oui, je souhaite bien entendu que ça change, mais si nous nous occupions, si tu t'occupais plus de ceux qui ont réellement, ceux et celles qui ont réellement besoin... Oui. Il y en a beaucoup. Ces mecs-là, laisse-les à leurs dollars, à leur fric, à leur alcool, alors laisse-les à leur destin. Oui, oui. Non, oui. Il y en a tellement d'autres tout autour de nous qui rayonnent encore davantage et qui sont encore qui sont pleins d'amour. Absolument. En voyant l'amour à ceux qui en ont réellement besoin. Absolument, tout à fait. Parce que ces gens-là ne savent pas ce qu'est le mot amour. Non. Vincent. Non, ils ignorent. Amen. Oui. Combien de fois me l'a dit celui-là, ce mot-là, dans ma jeunesse. Oui, effectivement, bon, t'as raison, Jean-Claude, c'est vrai qu'il y en a qui ont besoin de reconnaissance, beaucoup de reconnaissance, qui sont des gens de valeur, qui ont besoin d'être reconnus comme tels. Et il y en a, j'en connais beaucoup dans mon environnement, familial ou de travail, social, et des gens magnifiques. Mais ces gens-là souffrent parce qu'ils se rendent compte que ce monde est en train de s'écrouler, hein, évidemment. Et comment faire pour empêcher ça? Alors préparez-vous, effectivement, à secourir ceux qui en ont le plus besoin, c'est vrai. Et c'est un devoir, mais un conseil que je donne, effectivement. Ne restez pas sur votre chaise assis, regardant ce monde se détruire, mais aidez-le à pouvoir s'épanouir malgré tout. Dans l'amour, dans l'acte d'amour, dans le don ou l'autre. Je veux dire, moi, je fais de l'accompagnement en personne en fin de vie. Je remercie ici, en passant, la Fédération Jamelave. Entre autres celle de Blois, à laquelle je vais me former, qui sont des gens magnifiques, qui ont des parcours difficiles chacun, mais qui ont donné, qui ont compris qu'à un moment donné, il fallait aller vers l'autre. Il faut aller donner l'autre l'envie d'exister. Et c'est ce qu'ils font. Je trouve ça magnifique. Je pense, un petit hommage vite fait à Jean-Pierre, celui qui s'occupe de Yantz, l'association qui fait des études, des recherches, des approches de la mort, à Jean-Pierre. Jourdan, excuse-moi Jean-Pierre, j'ai oublié ton nom. Voilà, je suis désolé. Voilà, qui est un homme magnifique, intègre, depuis 25 ans il se bat. Quel beau souvenir d'émission pendant 7 heures avec Jean-Pierre Jourdan. Voilà. Lui aussi qui est un petit peu qui est un peu seul dans son activité. Absolument, oui. Mais je le soutiens profondément. Alors tiens, voilà. Puisque tu veux de l'amour, allez, j'ai un cri à lancer. Ah non. Oui. Vous êtes quelques-uns à vous intéresser en tant que médecin, anesthésiste ou réanimateur. Vous êtes quelques-uns en France. Vous n'êtes pas très nombreux. Non. S'il vous plaît, au nom de l'amour. Oui. Réunissez-vous, retrouvez-vous. Absolument. Arrêtez de vous tirer dans les pattes. Exactement. Ça ne sert à rien. Non. Ah, je voulais le dire, mais là, je sens presque avec toi, en étant en face de toi, presque un devoir de leur dire. Exactement. Vous n'avez pas les mêmes opinions, vous n'avez pas, mais unissez-vous. Exactement, sur un principe d'amour, c'est incroyable. Et c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'ils attendent de l'autre côté. Ah non, de Dieu, je suis content. Ils attendent ça, ils attendent que ça. C'est bien le travail que vous faites, Jean-Pierre, Jean-Jacques, tout ça, je trouve ça magnifique. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, et fait tant mieux. C'est grâce à vous. C'est un petit hommage que je rends, mais c'est vraiment grâce à vous si aujourd'hui je suis là pour exprimer ça. C'est aussi grâce à... Je vais mettre le nom d'une personne, si tu veux bien. Mais je t'en prie. C'est quelqu'un qui a étayé, justement, cette envie de partager. Avant, je voulais garder ça pour moi. C'est une rencontre que j'ai faite dans mon milieu professionnel, donc c'est une artiste qui est en même temps metteuse en scène, qui était artiste avant, qui s'appelle Jeanne Champagne, et je la remercie, je lui dis, je ferai un petit hommage, mais c'est vrai. Elle a eu ce don d'écoute qui m'a permis, justement, et elle a délivré un message, elle me dit, Vincent, vas-y, ce que tu portes, c'est bien, mais vas-y, fais-le, pour que toi, tu sois réellement ce que tu es. Voilà. C'est puissant ce qu'elle dit, mais c'est vrai, c'est grâce à elle que j'ai pu, en fait, enlever mon enchaînement à mon silence, quoi. Mmh. Voilà. Et donc je la remercie, je lui dis que je sais. J'aimerais, ce que je te souhaite, Vincent Hamin, oui, c'est de ne plus souffrir. Oui. Mais sincèrement, mais... c'est très égoïste ce que je suis en train de te dire, peut-être. Tu as compris que la personne la plus importante, c'était toi. Oui, bien sûr. Protège-toi. Oui. Tu sais, on ne peut pas porter toute la souffrance du monde sur nos épaules. Oui, la compassion. Oui, l'empathie. Mais tu as un rôle. Je ne dirais pas que tu as une mission, tu as un rôle. J'ai un rôle, mais il faut aller au-delà de tout ça, je pense. Bien sûr. Et j'ai le droit de pleurer. J'ai le droit de pleurer devant la misère. Mais surtout, ne te gêne pas. Oui. Et j'ai envie. Parce mais que pas trop longtemps. Et ça me fait du bien. Mais c'est vrai que je suis désolé de ce qui se passe. Je trouve ça... Ayant vécu de l'autre côté, vécu de ce que j'ai pu voir, je trouve ça dommage qu'on se détériore à ce niveau-là. Tu veux dire que cette expérience, 14 ans après, oui, t'a rendu un peu plus fragile que tu ne l'étais ou pas? Ah oui, complètement, oui. Non. Si? Oui. Alors j'ai dit, j'ai des capacités. Bon, c'est vrai que quand je rencontre des gens dans la rue, même que je connais absolument pas, je vois en eux, j'ai la lecture de ce qu'ils ont, leurs problèmes. C'est terrible, ça. C'est terrible de voir ça, parce que j'ai envie d'aller les voir, mais ils vont m'envoyer, évidemment, mais qu'est-ce que vous prenez, pour qui vous prenez, de quoi vous mêlez-vous? Je l'ai fait une fois. Monsieur, il comprenait pas. Mais comment vous savez ça? Mais je dis, vous inquiétez pas. Je vous donne le conseil de suivre ce moment-là, à ce moment-là, faites ceci. C'est tout. Et ça, c'est en permanence, et c'est très douloureux par moment. Parce que j'ai envie d'aller aider, mais je peux pas. Je ne peux pas. Alors Pierre, avez-vous, s'il vous plaît, ce serait sympathique de répondre à ma question. Avez-vous téléchargé Adblock? Me confirmez que vous n'ayez plus de publicité insupportable. Le mot purgatoire, Pierre Lannes, hein, te pose la question. Le mot purgatoire t'inspire-t-il un commentaire? Le purgatoire, il n'est pas là où on le pense. Si on peut mettre un mot purgatoire, enfin le mot, je pense qu'il est déjà, on est déjà dedans. On est dedans. Nous sommes dans notre purgatoire actuellement. Je pense que la vie, moi je ressens comme ça. On est actuellement à vivre, on vit dans le purgatoire. Bon, j'aime pas trop ce terme-là. Il circoncit très vite les choses, quoi. Donc, on est en forme de purgatoire ici sur Terre. C'est une zone terrestre, c'est une forme de purgatoire, oui, effectivement. Regarde comme le soleil est revenu. C'est bien, voilà, oui. Il fallait le demander. Absolument. Alors, assez génial, dit Douce de Vialère, pour la couverture. Une autre question, donc il connaît cet espace frontière sur lequel je posais une question tout à l'heure, quand il dit « je m'aperçois que vous nommez l'âme distinctement, que vous nommez l'âme distinctement de la conscience ». Quel pourrait être le distinguo, oui, entre conscience et âme? La frontière est si ténue, mais en même temps, si réelle. Si réelle, oui, tout à fait. Bon, la consonance de l'âme est peut-être plus religieuse que l'autre. La conscience, c'est plus un terme scientifique, on va dire, entre guillemets. Bon, maintenant, moi, j'espère qu'un jour, la science et la religion se mettront ensemble pour avancer, je pense. Maintenant, il faut avoir épuré plein de choses, épuré les dogmes, épuré tout ça. Enfin, je veux pas rentrer dans le débat, hein, je dirais, c'est... Et purée de nous autres. Voilà. Et oui. Oui, tout à fait. Ah, voilà, donc, moi, je relate tout ça dans cette expérience comme un moteur, mais généreux, quoi. Je veux dire, j'ai pas, bon, je cherche pas, comment dire, à me faire connaître, moi. Je veux simplement partager un moment de vie et une expérience qui peut, évidemment, soulager plein, plein de gens. Voilà. Et tout. Et c'est vrai qu'on m'a demandé de faire des conférences. J'ai déjà commencé plus ou moins sur Châteauroux faire des tables rondes. C'est des gens que je connais absolument pas. Je vais dans les foyers. Je l'ai fait une fois, deux fois. C'est magnifique parce qu'en fait, ils sont tous en demande de un questionnement très très ciblé sur la mort, ce que c'est la mort après la mort et tout ça, le moment où mourir. Ils repartent complètement transformés. Et c'est ce que je veux, soulager, quoi. Ton rôle est là. Absolument. Ton énergie, c'est la mettre au service de ceux qui sont en attente. Absolument. Et qui ont besoin. Voilà. Les autres sont tables. Non, mais je reste parce que tu vas beaucoup souffrir. Tu es une balance. Non, un Capricorne. Moi. Capricorne et quel ascendant? Là, t'en as rien à péter, tu as raison. Voilà. L'astrologie, oui, non. Je peux comprendre, mais c'est pas mon fort. Voilà. Donc voilà, les conférences, Tu es revenu avec le cœur beaucoup plus fragile, beaucoup plus sensible. Il est réparé, tu n'as jamais eu de nouvelles alertes. C'est incroyable, le dernier cardiologue que j'ai vu il y a à peine quelques mois m'a dit, mais c'est l'orfèvrerie qui vous ont fait là. Mmh. C'est incroyable comme c'est bien foutu, quoi. À vivre les Canadiens. Hein. Voilà. C'est vrai, moi, au contraire, j'ai un cœur neuf, hein, il marche très très bien, il n'y a pas de problème, quoi. Tant mieux, je vais vivre vieux. Mais donc, je suis content de vivre vieux. Hein. Ne te fais plus de mauvais sens. Non, exactement. Hein, oui. Toute cette énergie, voilà. Tu sais, on dit souvent, quand on revient d'une expérience comme celle-ci, je voulais la placer parce que il y en a qui me détestent, mais il y en a qui m'adorent, mais je me confie peu. Mais tu sais, tu parles de Châteauroux. Quelques années après ces deux expériences, enfin cette première expérience, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et puis je me suis tourné vers les personnes handicapées. J'ai bossé dans une société qui se trouvait à Fondette, à Luynes exactement, c'est dans l'Indre, l'Indre-et-Loire, le 37, oui. L'Indre-et-Loire, oui, qui fabriquait des fauteuils, du matériel médical pour les personnes handicapées, tu vois. Et là, chacun peut faire ça, je veux dire, oui, mais en même temps, si tu es toujours vivant, Vincent Hamin, oui, le sois-le complètement, ne souffre plus. C'est pour une raison. C'est pour une bonne raison aussi. Ouais, laquelle? Ah, voilà. C'est la question fondamentale que je me suis posée. Mais pourquoi? Le comment de tout ça? Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que je me suis posé cette question un jour, à un moment donné, mais pourquoi souffrir aujourd'hui parce que j'ai vécu ça et que je suis en décalage avec cette réalité terrestre et cette réalité de l'au-delà qui dit de l'autre côté, d'un côté, le côté lumière, c'est tellement merveilleux, et de l'autre côté, dans un côté de la lourdeur, c'est tellement sombre, qu'est-ce que je peux faire pour changer tout ça? Ben, j'ai dit non, je peux pas. Je peux rien faire si ce n'est que l'expliquer. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce bouquin, qui n'est pas un roman, comme tu l'as dit. C'est pour expliquer ce que c'est réellement ce monde qui vous attend chacun, et qui est votre éternité. Voilà. Une autre question de Douce de Vialère. Y a-t-il une forme de mémoire qui persiste sur une notion de l'espace frontière où l'accès semble être encore là? C'était ça la question. Oula. Je ne comprends pas trop cette question. Non, c'est un peu hermétique, oui. Didier. Oui. La mémoire, oui. Alors la mémoire, bon, la mémoire... C'est là tout l'art, toute la difficulté de parler et puis d'écrire. Voilà. Et là, je vais te dire, tu passes très bien. Oui. Verbalement. Oui. Et quand tu écris, c'est aussi limpide que quand tu causes. Tout à fait. Alors, j'ai expliqué pourquoi quand vous sortez de cette expérience-là, et je crois que les expérienceurs le diront, le verbaliseront un jour, ou on l'a déjà fait, vous êtes complètement en décalage de ce que vous, je l'ai déjà dit, en cette réalité terrestre. Par contre, vous avez vos mots, vous, vos propres grammaires, votre propre langage, pour expliquer aux autres comment c'est, qu'est-ce que vous avez vécu. Moi, j'ai mis 10 ans pour y mettre des mots. 10 ans pour y mettre deux images ou une iconographie. Une réalité, quoi. Qui correspond de loin, évidemment, à la réalité. Parce qu'il n'y a pas d'autre, les mots et les images ne correspondent pas. C'est bien plus, mais on pallie un peu toutes ces vérités. Mais la douleur que ça induit pour y mettre des mots et des images à son entourage, c'est pour ça que la plupart restent dans le silence. Mmh. Parce qu'ils n'ont pas, ils ne savent pas expliquer. Mais écrit des mots, met des mots, oui. M-O-T-S. M-O-T-S. Et met les mots M-A-U-X de côté. Voilà. C'est ce que tu écris, comment faire. Exactement. Avec tout cela, une fois que le processus de réintégration dans la matière est terminé, comment appréhender votre avenir, voilà, en ressentant en permanence ce décalage entre deux paradigmes. Exactement. C'est comme si tu avais un regret, toujours, oui, actuel, oui, d'être revenu. Oui, bien sûr. Vincent. Bah oui. Mais non. Fallait pas revenir. Ben, j'ai pas le choix, j'étais pas mort. Alors là, monsieur Hamin, merci. Dans ce que tu viens de dire. Mmh. Ah bon, bien. Mmh. C'est sûrement l'une des plus belles réponses qu'on m'ait données depuis, ben voilà. 1985. Enfin, la réponse est arrivée. Elle m'a été suggérée, peut-être, je sais pas. Mais j'étais pas mort. C'est vrai. Bon, j'espère que tu vas t'en servir après, maintenant, qu'elle va rester et que... Bien. Chacun continuera sa vie, ouais, de son côté. Mais toute cette énergie qui est en toi, regarde, le ciel a fait que, moi je l'appellerai, oui, le ciel, a fait que tu sois vivant. Oui. Après cette expérience, tu aurais pu rester sur la table d'opération, tu es toujours là, d'accord ? Ta conscience ou ton âme t'ont dicté d'écrire ce mémorandum. Tout à fait. Maintenant... Fais un autre pas, non pas vers l'éternité, mais vers ce qui est terrestre, là. Oui. C'est, je suis là, j'existe. Oui. Je ne suis ni supérieur, ni inférieur. Non. Mais je peux vous aider avec ce qui m'a été transmis. Alors, justement, je peux y mettre une image dessus. Je suis un peu comme ce petit gamin qui a à peine de marcher, toi. Et qui va découvrir le monde dans lequel, mais avec une autre façon de voir les choses, quoi. Voilà le problème. Actuellement, je suis comme ça. Je suis aux prémices de ce que j'ai écrit, je suis aux prémices de tout ça, quoi. Je découvre le monde de l'édition, moi, tu m'en as parlé. L'écriture, je savais pas que j'étais capable d'écrire. J'avais ça en moi, mais bon. Je fais plein de fautes d'orthographe, je le sais, bon, mais bon, tout a été corrigé, heureusement. Mais, je sais pas écrire, moi. Non, réellement. Et là, j'ai réussi à écrire quelque chose de réel, de vrai, que j'ai en moi. Et c'est vrai, bon, moi, les gens qui l'ont lu pour le, partiellement, parce qu'il n'est pas fini, hein, loin d'être fini, parce que c'est la première partie. Après, j'expliquerai le pourquoi et le comment de tout ça, quoi. Là, je peux effectivement entrer dans les détails, un peu plus. Et ce qui a délivré, le message à délivrer, parce qu'il y a quand même de manière un message. Il n'y a pas que l'amour, hein, il y a autre chose. Mmh. Voilà. Donc voilà, moi, je suis aux prémices de ce que j'apprends aujourd'hui. Et face à toi, Jean-Claude, j'apprends aussi encore. Mais je vais te donner la main. Voilà. Si merci, tu veux bien. T'es gentil. Merci. Si tu veux bien. Bah ouais, avec plaisir. Moi, je la propose, après vous. Non, mais avec plaisir. Parce que vous voulez, tu vois. C'est ce que Douce vient d'écrire. Il t'a rencontré pour que tu lui donnes la main de ce côté. Exactement. Voilà. Bah, la connexion, elle est vachement puissante, là. De ce qu'on vient de vivre, là. Bah, 2h30, je les ai pas vus passer. Et pourtant, il va falloir que je te ramène à la gare de Sterlitz. Ah ouais, il est bientôt 19h. Ah oui. Bon, on refera une autre émission, parce que, bah, si quand tu veux, bien sûr. Ah oui, non, mais avec plaisir. Mais, tu sais, Jean-Claude, je te l'ai dit au début, hein. Moi, je ressens les choses. Hein. Quand je t'ai dit que tu étais quelqu'un de rayonnant, une beauté intérieure incroyable, je le dis franchement. Et j'ai senti. Et les connexions sont passées. Voilà. Le plus fou, c'est que je le sais. Bah, c'est tant mieux. Tu vois ? Tant Donc, mieux. Tu ne fais que confirmer ce que je sais déjà aussi. Voilà. Mais moi, je serais ravi d'accompagner le petit bambin là, dans son Yupala. Merci beaucoup. Tu vois ? C'est vrai que j'en ai besoin. Je vais t'aider à sortir du Yupala, à marcher. Parce que c'est ça l'amour, voilà. C'est se dire à l'autre, même quand on ne le connaît pas, je voilà. t'aime, je n'ai pas d'opinion sur toi, plus que ces 2h30 qu'on a passé en direct, totalement décontracté. Oui, tout à fait. C'est ça qui est important, parce que là nous sommes en direct. Alors désolé, Pierre, j'aurais bien aimé que vous me répondiez si vous l'aviez téléchargé. Et... Je verrai, je vais le voir dans très peu de temps, puisqu'il va venir chez nous. Mais j'ai quelque chose à dire quand même. Là, il vient de répondre merci, mais voilà. Je suis pas très content, donc je le dis. Voilà, Pierre, c'est pas cool ce que vous faites. Mais je vous le dis comme, comme je le pense. Tu t'arranges avec lui, hein. Oui, je m'arrange. Puis tu avec sais, moi, les personnes qui me détestent, c'est aussi une façon de leur dire que je les aime. Voilà. Alors, je te laisse continuer. Alors, bon, je remercie encore Jeanne Champagne de m'avoir fait mes premiers pas. Parce que c'est elle qui m'a quand même mis sur ce chemin-là, même inconsciemment, elle l'a fait quand même, et ça j'en remercie. Je remercie Jean-Pierre Jourdan aussi par rapport à ce qu'il est. Je remercie Corinne Mustili de Dijon qui active très bien. Coucou Corinne. Voilà. On se voit les 15 et 16 juin. Ah, c'est génial. Tu viens? Il y a un salon à Dijon. Ah, dommage. Je sais pas, j'essaierai de voir. Hein? Je sais pas. Maintenant, je crois que j'ai la communion de ma fille. Ah bon, d'accord. Ah oui, Corinne. Non, j'ai un spectacle important en ce moment-là, je peux pas. Très bon travail. Malheureusement. Mais j'avais été les voir, La voix du cœur. Voilà. J'avais rencontré Nicole Dron, j'avais rencontré Christelle Dubois, qui sont des gens magnifiques, vraiment des gens de très grande lumière. Voilà. Donc, merci à tous. Donc moi, je suis prêt, je vous le dis, à faire des conférences. Ça me gêne pas du tout. Je peux tenir une conférence sans problème. Ici, on a fait donc à 2h30, en gros. Moi, je pourrais parler pendant des heures. Alors, n'hésitez pas, vous savez me joindre maintenant. Je pense que par le biais de Jean-Claude, vous pourrez me joindre. Et puis, je transmettrai tes voilà. S'il y a des messages. Bien sûr. Douce voilà. De conclure. Nous sommes une belle équipe de gamins bourrés de complexes. Voilà. Non. Et bon courage à vous tous. Et bon, puis j'ai plein de sentiments pour vous, quoi. Ça, c'est vrai. J'espère qu'un jour, on se rencontrera et puis on pourra partager tout ça. Tu m'emmèneras, dis. Oui, absolument. Où? Quand tu veux. Désolé d'interrompre cette chanson de Florent Pagny, Là où je t'emmènerai. Vous la connaissez, vous l'aimez beaucoup. Mais il y a un train et nous n'avons pas de temps à perdre. Ce qui se passe en 5 minutes en province, à Paris, il faut multiplier par 10. Alors la gare d'Austerlitz, pardon, n'est pas très loin et je tiens absolument à ce que Vincent Hamain ne soit pas en retard. Vite, vite, avant de prendre la voiture, je vous remercie pour avoir suivi cette émission en direct, l'émission En suivant les étoiles sur la web TV Étoiles du Cœur. vous donner rendez-vous demain en direct de 17h à 19h avec un autre invité qui a pour nom Piero San Giorgio. Et c'est un peu en écho à ce que vient de dire Vincent Hamin. Piero San Giorgio a écrit un livre qui a pour titre « Survivre ». Survivre à l'effondrement économique. Parce que les nouvelles, elles ne sont pas bonnes. Parce que on peut se poser la question, y aura-t-il encore du pétrole pendant longtemps? Y aura-t-il encore de l'eau potable encore longtemps? C'est un vrai sujet de société que nous aborderons avec Piero San Giorgio demain de 17h à 19h sur Web TV Étoile du Cœur. Vous pouvez aller regarder la télévision, au revoir. Vous regardez trop la télévision, bonsoir.